Deuxième partie avec Christine Mahy, Julie Mahouet, Ludwig, Guy Joris, Damien, Audrey, Eddy, Henri. Toutes ces personnes font partie du réseau wallon de lutte contre la pauvreté et elles invitent un économiste. Cette fois-ci, c'est Étienne de Calataille qui va répondre aux questions des personnes qui vivent la pauvreté, qui l'ont vécue. En tout cas, qui vivent des situations bien concrètes du terrain et donc posent des questions bien concrètes aussi. Je ne vais pas faire comme si ça n'avait pas lieu ou c'était pas grave. Je trouve que ça pose des questions. J'ai juste envie de, voilà, de faire une petite remarque. Donc, dans ce micro ouvert, on entend Christine Mahy et Étienne de Calataille qui ne se comprennent pas suite à un mot que Christine Mahy, qui est le mot éludé, on entend Étienne de Calataille qui s'emporte, voilà. Alors, loin de moi cette idée de dire « c'est pas bien de s'emporter hein. », mais non, non, je veux dire, on a des émotions, on s'énerve, et il y a de quoi aujourd'hui de s'énerver, d'être en colère avec ce monde dans lequel nous sommes. Évidemment, moi, il n'y a pas de souci avec ça. Simplement, je trouve ça fou, que ce monsieur, que je ne connaissais pas du tout, hein, Étienne de Calataille, je ne connaissais pas du tout, je trouve ça fou que ce monsieur, qui est un personnage public, fasse... Enfin, c'est un peu son habitude, quoi, de parler, de chatter, de... enfin, voilà, c'est un intellectuel qui doit développer ses idées. Hein. D'ailleurs, on l'entend beaucoup dire « je pense ». Donc, c'est un monsieur qui pense, qui réfléchit... qui a facile avec les mots. Et donc, je trouve ça dingue que ce serait celui qui gueule le plus fort qui soit entendu. Voilà, ça donne un peu cette impression-là. Genre, je m'énerve, je gueule, et non, je ne suis pas d'accord. Et ouais, voilà, je trouve ça... moi, je dis, c'est pas grave de s'énerver, mais je trouve ça étonnant. Voilà, je trouve ça étonnant qu'un intello, quoi, un gars qui a l'habitude de penser, on va dire... eh bien, s'énerve sur le mot « éluder », alors qu'on est vraiment dans un monde où, oui, on élude beaucoup de questions, on fait mine de rien. J'ai été voir un petit peu c'était quoi le mot au dictionnaire « éluder ». Oui, c'est finement éviter la question, quoi. Et on est vraiment dans un monde comme ça aujourd'hui, où les gens... alors, oui, je peux comprendre qu'ils soient vexés que Christine ait utilisé ce mot, mais en même temps, il y avait aussi une autre possibilité qui était de dire « mais non, alors réexpliquez-moi bien la question, que je l'entende bien, et ce n'est pas une atteinte à son ego personnel. » Enfin voilà, ça c'est ma traduction à moi, elle m'est propre, hein, il n'y a pas eu de grande discussion et de grand débat pour savoir qu'est-ce qu'on allait dire là maintenant dans ce micro ouvert. Ça pose des questions quoi, surtout. Alors j'avais aussi envie de dire une autre chose sur ce micro ouvert qu'on va entendre. C'est dommage qu'Étienne, je vais l'appeler Étienne, hein, donc que cet Étienne de Calataille ait dû partir, parce qu'il y a un public qui est là, et évidemment, le micro ouvert, lui, il est vachement emballé aussi à entendre les personnes qui vivent en situation directe de pauvreté, ou qui ont connu la pauvreté, en tout cas, qui vivent des choses bien difficile sur le terrain. J'aurais aimé entendre ce qu'ils avaient à dire et poser directement leurs questions à ce monsieur Étienne qui développe ses idées pendant bien une heure et demie passée, quoi. Et ça, je trouve ça dommage aussi qu'il n'ait pas eu ce temps-là que Étienne ait dû partir. Voilà, je trouve ça important aussi quand on vient rencontrer, ce qui est une belle démarche, hein. Je viens rencontrer des gens qui pensent pas comme moi, des gens qui vivent des situations précaires qui sont pas du tout les miennes, du coup j'ai envie aussi d'entendre un peu ce qu'ils disent, quoi. Ben non, c'est comme si ce monsieur Étienne avait prêché sa bonne parole et puis voilà, il part. Voilà, je trouve ça un peu dommage aussi. Et avant d'écouter alors ce micro ouvert avec toute cette bande, je propose d'entendre Alex, que j'avais rencontré lors de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté au mois d'octobre. Et écoutez bien, surtout la fin de ce qu'il dit, parce que c'est un peu prémonitoire. Alex, bonjour Alex. Bonjour. J'ai des noms, les lois qui sont mal faites. Donc on va chercher un coup de nourriture, soit au restaurant du cœur, soit on la met tendue, tout ça. On doit payer 2,50 € et la plupart est périmée. Non, mais là, tu t'exagères. Non, c'est pas, je n'exagère pas du tout. Allez voir, vous verrez. La plupart est périmée des colis alimentaires? Oui, exactement, oui. C'est-à-dire, certaines choses sont périmées. Ils n'ont plus rien parce qu'ils doivent aller chercher ça dans les magasins. Et les magasins, ils ont des dates précises qu'ils doivent liquider. Dans ce produit-là, on dit, dans certaines choses et dans certaines lois, dit, après 15 jours, 3 semaines, 1 mois, c'est encore bon. Mais tout ce qu'on dit n'est pas réalité. Ce qu'on dit n'est pas réalité, c'est ça que tu as dit? Ouais. Quoi, ça veut dire que trois... Bon, la plupart des choses. La plupart des choses sont mensongères. Même dans les grandes surfaces. On dit, voilà, vous achetez deux paquets de pâtes et un gratuit, un absent. C'est mensongère aussi, c'est pareil, vous payez le troisième. Oui, on paye le troisième. Tout compte fait, on paye le troisième. Celui qui est soi-disant gratuit. Ouais. Donc, c'est obligé des gens à acheter pour après jeter. On dit, voilà, t'as trois boîtes de ci, trois boîtes de là, t'as une gratuite. Et comment est-ce possible de manger les trois boîtes? Ok, mais revenons à donc toi, Alex, t'es quelqu'un qui... J'étais un ancien de la rue. Je regrette de paillettes, de toute façon, parce que ça coûte cher. Tu regrettes de paillettes, c'est ça que t'as dit? Oui, je regrette de paillettes. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Parce que un loyer, la nourriture et tout ça est cher et vilain, on ne sait même plus s'en sortir. Moi, j'ai dû prendre un avocat, un manager de biens pour gérer mon argent, pour que ça gère à gérer mes sous. Et je me retrouve par semaine avec 75 euros. Pour vivre? Pour vivre. Tout le mois? Par Ah non, semaine. par semaine, ouais. Par semaine. Dès que je me lève, si moi je lâche ma poudre. Et si elle est là, ta poudre? la poudre à laver, le Ta produit. poudre, à laver, machine à laver. Ouais, tout Ta poudre, on se demande quelle poudre. Donc j'en ai. J'en ai après 2 jours, j'en ai plus rien. Et regardez, je suis pas. Mes chaussures sont usées à mort. Je ne sais même pas me permettre d'en acheter une nouvelle paire, ni un pantalon, ni rien. J'ai eu mes vêtements à fond. Et quand je vois les gens qui jettent leurs vêtements dans les bulles, tout ça, qui n'ont rien. Et que nous, on doit aller chez les femmes et tout ça, on doit encore les payer. C'est scandaleux, quoi. Ils reçoivent pour rien, on doit payer. Mais quoi, t'as quand même droit à des endroits où tu peux aller recevoir des choses gratuites, quand même, non. Comme la nourriture. Non. Il n'existe pas des endroits? Non, ça n'existe pas. Mais ça, je, en ça, Belgique, il n'en existe pas encore. La Belgique est riche. Très riche. Et alors, c'est pour ça que la Belgique est tellement riche au vol des pauvres. C'est nous qui payons pour les gens. Mais donc, enfin, j'arrive pas à le croire, quand ce que tu dis, mais ok, hein, j'arrive pas à croire qu'il y ait des endroits où on donne pas des fringues. Il n'y a rien. Non? Nous part, à Namur, tu verras. À Namur? À Namur. À Namur. À Bruxelles, à Liège. Si tu vas à Bruxelles, tu payes quand même ton bus, tu payes ton train. Oui, d'accord, oui, évidemment. Quand même. Oui, mais les gens qui habitent Bruxelles, est-ce que tu es au courant qu'il y a des endroits où ils mais peuvent avoir des choses gratuites? Chacun fait à sa solidarité. Bruxelles, c'est Bruxelles, Liège, c'est Liège, Anvers, c'est Anvers, Namur, c'est Namur. Jambes, c'est jambes. Ok, donc à Namur, il n'y a pas d'endroit, mais c'est petit Namur en même temps, hein, on fait vite le tour. Hein. Ouais, mais c'est ce que je veux dire. C'est peut-être petit, mais pour les conneries, ils sont camper avec des ponts et tout ça, tu n'y as pas besoin. Ah oui, en fait, pour que les gens comprennent, on est occupé à construire un pont, un nouveau pont à Namur. Ça doit coûter beaucoup d'argent, ça. 2 milliards d'argent, et pourquoi pour rien du tout, quoi. Ils ont donné ça aux pauvres. Oui, alors qu'il y a déjà des autres ponts qui enjambent la Meuse, en fait. Hein, mais il y a un pont en plus, là. Ouais. Tu vois, ça ne sert à rien du tout. C'est uniquement pour dire, voilà, on gaspille de l'argent, là. Voilà. C'est une sorte de garniture, voilà. Et les gens, c'est toujours à foutre de ça. Il ne peut pas avoir un steak dans son assiette avec des enfants, d'avoir un pont, ça emmerde le monde. Hein. C'est sûr que ça n'a pas d'influence dans notre assiette, quoi. Le pont dans ouais. C'est aussi bien pour vous, hein. C'est pas parce que vous êtes journaliste que vous allez rentrer chez vous avec des enfants, que vous n'avez rien à donner aux enfants. Hein. C'est vrai, c'est parce que vous avez travaillé dur. Hein. Mais revenons un coup à ces colis alimentaires. Les colis alimentaires, tu dis que la plupart sont périmés. Et donc, la plupart sont périmés et donc dégueulasses à manger alors. Dégueulasses à manger, on doit l'acheter. Et comment ça se fait qu'ils sont périmés? Il y a beaucoup. Ça, on n'en sait rien. Ça, c'est pas nous qui nous dit. T'as pas posé la question? Des personnes qui ne savent pas lire ni écrire ni rien, on les a déjà emmerdés nous-mêmes, donc on va dans les magasins. Vous êtes déjà emmerdé vous-même? On l'a emmerdé nous-mêmes parce que je ne sais pas lire, ni écrire, ni calculer. Quand je vais dans un magasin pour acheter quelque chose. T'es paumé. On voit rien. Mais comment tu vois que c'est périmé alors? Je ne le vois pas. Ah, en le goûtant alors? Il est marqué manger demain matin, parce qu'après-demain, c'est plus bon. C'est une tête orange qui est marquée. Ben donc tu payes quand même le prix plein en sachant déjà bien que tu vas te primer demain. Que ça va être périmé demain. Et toi, tu n'as pas posé la question aux gens. Tu dis, mais comment ça se fait que ça va être périmé demain? Mais comment veux-tu poser la question? Les gens sont pressés. À peine rentrés dans le magasin, ils sont déjà pressés pour sortir, pour aller chercher des enfants à l'école. Je ne sais pas parler aux gens. Parce que les colis alimentaires, ça se passe dans les magasins, en fait. Ça passe aussi dans les magasins, oui. Ah, je croyais que c'était un endroit prévu pour... Dans les magasins, maintenant, il y a des frigos que tu peux prendre moins cher, mais il est marqué « consommer immédiatement ». Et c'est gratuit, alors? Non, tu payes. Ah, les colis alimentaires sont payants? Ils sont payants, mais dans les magasins. Dans les magasins? Dans les magasins, et aussi bien... Au restaurant du cœur et dans la maison du cœur, ça c'est payant. Au resto du cœur, c'est ça que t'as dit? Au restaurant du cœur, c'est payant. Et quoi d'autre? Et la main tendue. La main tendue, c'est payant aussi. À Beaumel. C'est payant. C'est payant. Ah, moi je crois que je croyais qu'un colis alimentaire, c'était gratuit. Non, c'est payant, tout est payant. Donc c'est toi avec tes petits 75 euros par mois qui dois te débrouiller. Ouais. Et encore, il faut avoir un papier de la CPAS ou de la commune pour avoir le droit. Ah ouais, galère quoi. Si t'as pas papier là, ben, t'as rien. Là, tu es obligé d'aller dans les poubelles manger. Ce que tu fais des fois? Oui, je suis pas gêné pour le dire, oui, je l'ai déjà payé. De toute façon, encore, oui, je me permets. Mais on est bien obligé. On est obligé. Désolé, on devrait mettre de l'eau dans les rues et tout ça pour au permet boire. Moi, où il y a de l'eau dans la rue? À des chaleurs comme ça. C'est sûr, mais ce qui se passe, c'est qu'avec la richesse dans laquelle on vit, il y a des décalages énormes entre toi qui n'as rien et ceux riches. Qui gaspillent, ceux qui vont mettre leur argent alors qu'ils ont déjà plein. Enfin, c'est dingue quand même, c'est dingue. Oui, mais hein? Eux, ils ont travaillé pour l'avoir, ça peut comprendre ça. Quoi, qu'ils mettent leur argent dans un autre pays pour pas devoir payer d'impôts? Mais c'est-à-dire que. C'est les recettes, ça, c'est le mené, c'est tout ça, tu bon, ça, c'est pas un petit malheureux comme toi et moi, tu saurais le faire. Ah ben oui, mais c'est pour ça que je te dis, il y a des gens qui gagnent plein de pognon, mais ils gagnent plein de pognon pourquoi? Parce que d'autres gens travaillent pour eux, parce voilà. Que d'autres gens produisent la richesse. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ils sont pas tout seuls à gagner plein d'argent comme ça en suçant leurs doigts. Mais pourquoi tout le monde va. Les hygiènes et tout ça vont en Chine et tout ça. Les quoi tu as dit? Ça coûte moins cher en Chine qu'en Belgique. Les taxes sont plus chères en Belgique qu'en Chine. Alors tout le monde va en Chine. Hein. Tout le monde va dans les pays où ça va être moins cher. Trouve-moi maintenant un magasin qui dure 6 mois. Il n'y en a aucun. Six chinois, c'est ça que t'as dit? Non, 6 mois. Qui dure 6 mois. Un magasin, 6 mois après, il est fermé. Pourquoi? Ouais. Il paye trop de taxes, il paye ci, il sait rien. Il sont en dette. Pourquoi? Ça, il n'y a personne qui saura nous le dire. Bah, parce que les lois, parce que le gouvernement met des lois complètement absurdes, voilà, pour défendre une économie de riches, quoi. Leur intérêt à eux dans leur poche, voilà. Pas leur intérêt à nous, hein. Voilà. Bon, Alex, on termine. Qu'est-ce que tu as envie de terminer sur tout dire ça de, dire de les, arrêter d'aller voter. Le votage, ça ne sert à rien, c'est déjà prévu à l'avance. Qui va passer? Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Pas aller voter. Bah, tu dis qu'il ne faut pas voter? Pas voter. Mais qu'est-ce qu'on fait à la place alors? Eh bien, il n'y a pas même gouvernement. Le gouvernement nous tue, nous mange. Si les gens n'ont pas compris ça, ben ils ne comprendront jamais rien. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait alors si on ne va pas voter? Quoi, il faut aller dans la rue, se bagarrer, faire des barricades, se battre? Se battre dans la rue, oui, pas un jour. Des mois, il faut se battre. Un jour, ce n'est rien. Il faut s'y mettre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que c'est eux qui gagnent encore plus que nous. Un jour, ils vont abandonner, on ne vous reviendra pas. Et c'est la vérité. C'est tous les jours qu'il faut se battre. À 9 ans, il faut se battre. Et pas dire, oh, moi, j'irai dans mon fauteuil, je vais regarder la TV. C'est pas comme ça que ça va y arriver. Hein. C'est des gens qui ont des boules en dessous des bras, ça. Merci, Alex. Oh. Gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes. On marche sur Bruxelles, on marche sur les champs, armés de personnes et je t'interdis de nous appeler Jean. J'en ai marre de ce système qui nous a tellement exploité. Le peuple veut sa liberté et fera tout pour la gagner. On marche sur Bruxelles, on marche sur les champs, armés de personnes et je t'interdis de nous appeler Jean. J'en ai marre de ce système qui nous a tellement exploité. Le peuple veut sa liberté et fera tout pour la gagner. On est tous les mêmes dans les rues derrière un clavier. Certains armés de gilets pour d'autres matraques, boucliers. Ils veulent nous voir plier, nos dirigeants sont sans pitié. À la tête du troupeau, pas du mouton devant sa cheminée. Toi et moi on est tous baisés devant les taxes et le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter. Bien sûr je pourrais me taire, attendre que ça se tarde, que quelqu'un bouge à ma place. Une chose est sûre, aujourd'hui le peuple nous montre qu'on n'est pas des lâches. Frères et sœurs, force le barrage, car on veut vivre ce qui la cage. En quête de solution lors de la revendication, d'avoir parlé plus sort peu bon devant ces têtes de cochons qui vivent les poches remplies de pognon. Allez leur dire que dans leur salon, on ira toute ma maison. S'ils vivaient comme toi et moi, ce serait pas facile à vivre. Quand on sait caster, si on n'a pas de quoi s'acheter des vivres. Quand on sait caster, si on n'a pas de quoi s'acheter des vivres. Pour ça qu'on marche sur Bruxelles, on marche sur les champs, armés de personnes et je t'interdis de nous appeler Jean. J'en ai marre de ce système qui nous a tellement exploité. Le peuple veut sa liberté et fera tout pour la gagner. On marche sur Bruxelles, on marche sur les champs, armés de personnes et je t'interdis de nous appeler Jean. J'en ai marre de ce système qui nous a tellement exploité. Le peuple veut sa liberté et fera tout pour la gagner. À méditer sur nos ancêtres qui nous ont précédés, leur sagesse nous a appris qu'il ne faut rien lâcher. Terre promise sera donné ce qui est envers restitué par le courage du petit ouvrier. Gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes. Si ce message t'a touché, je t'invite à te mobiliser. Pour bloquer en attendant le pourparler. Blablater, blablater, je resterai l'âme les gelées. Car je vis dans le présent pour le futur de mes enfants. Car je vis dans le présent pour le futur de mes enfants. Gilets jaunes, le peuple comprend son rôle. Gilets jaunes, viens bloquer, ils ont le gris jaune. Gilets jaunes, le peuple comprend son rôle. Gilets jaunes, viens bloquer, ils ont le gris jaune. Ils ont le rire jaune quand on marche sur Bruxelles. On marche sur les champs, armés de personnes. Et je t'interdis de nous appeler Jean. J'en ai marre de ce système qui n'a fait que nous exploiter. Le peuple veut sa liberté, c'est pas demain qu'faut se réveiller. Bonjour, pour nous l'enseignement c'est important et c'est pas facile. Il y a beaucoup de problèmes parce que l'enseignement n'est pas toujours attentif aux familles qui ont des difficultés. L'enseignement coûte très cher. Il y a beaucoup de familles qui ont des problèmes avec ça. Et ça a des conséquences sur les enfants. Il y a des jeunes qui ne vont pas aller plus loin que le CESS, que le secondaire, parce que les parents ne savent pas suivre. Pourquoi l'école n'est pas, enfin l'école et l'enseignement pour le supérieur n'est pas réellement gratuite? Et en tant qu'économiste, qu'est-ce que vous proposeriez comme moyen pour arriver à une école, un enseignement gratuit et pour ne plus que ce soit un problème pour aucun enfant et aucun jeune? Je ferai certainement une distinction entre l'enseignement obligatoire et l'enseignement supérieur. Je ne suis pas du tout adepte de la gratuité de l'université ou des hautes écoles. Parce que faire cela, ce serait en fait faire un énorme cadeau aux personnes à haut revenu. On le sait aujourd'hui, si le recrutement de l'université et des hautes écoles est inégalitaire, et il est inégalitaire, c'est pour partie pour des raisons économiques, financières, mais c'est d'abord et avant tout pour des raisons socio-culturelles. De telle sorte que si demain nous devions mobiliser des ressources publiques pour rendre gratuites les hautes écoles et les universités, ce serait au bénéfice d'abord et avant tout, pour faire simple, de fils et de filles de riches. Donc, pardon ? C'est au bénéfice des enfants. Non, mais sociologiquement parlant, ce serait au bénéfice, si on doit répartir la ventilation maintenant, et je ne pense pas que... Je pense que le coût de l'université ou des hautes écoles est un obstacle pour bon nombre, j'en suis bien conscient, mais je ne pense pas que ce soit le premier obstacle, et certainement pas l'unique obstacle, à l'accession de personnes à moindre revenu à l'université. Et donc je pense que si vous voulez mener une politique anti-redistributive, vous pouvez le faire. Parfois, il faut accepter une politique anti-redistributive. Quand on subventionne un théâtre, a fortiori si on subventionne de la musique classique ou l'opéra, qui fréquente l'opéra ou la musique classique, c'est des gens aux revenus. Est-ce qu'il faut supprimer les subventions en faveur de l'opéra? Peut-être pas. Mais en même temps, il faut savoir que faire subventionner l'opéra, c'est aider les riches à aller voir un spectacle qu'ils aiment bien en ne payant pas le prix complet et en demandant à l'ensemble de la collectivité, mais donc y compris à vous, de payer pour que d'autres aillent à l'opéra. Hein. C'est une réflexion à avoir. Ce n'est pas moi, économiste, à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. J'ai ma petite opinion. Je trouve que l'opéra est trop subventionné. Je pense que c'est déraisonnable de demander à l'ensemble de la collectivité de permettre à des gens principalement aisés de payer si peu pour voir le spectacle qu'ils ont envie d'aller voir. Hein. Voilà. Donc, je pense que là, il y a un souci. Mais donc, c'est le souci pour l'opéra. J'en reviens à l'éducation, hein, bien entendu. Donc, l'université, les hautes écoles, c'est moins caricatural que l'opéra, mais c'est aussi quelque chose qui est... bien davantage consommé par les personnes à revenus moyens élevés que par les personnes à revenus faibles. Donc si on rend ça gratuit, alors moi je préfère une autre option, et c'est le boursier que j'ai été dans mon enfance qui le dit, quitte à vous surprendre, je pense qu'il faut en fait améliorer le système des bourses à l'université pour les hautes écoles, parce que là, plutôt que de donner de l'argent à tout le monde, vous le ciblez sur certains. Ça me semble a priori plus intelligent. Par ailleurs, sachons reconnaître une évolution sociétale forte qui est l'acceptation dans la présence auprès de nombreux bénéficiaires du CPAS d'étudiants. Hein. C'est une évolution. Il y a 30 ou 40 ans, le nombre d'étudiants pris en charge par les CPAS était une fraction de ce qu'il est aujourd'hui. C'est tant mieux si c'est parce que les CPAS sont plus larges, c'est tant mieux si c'est parce qu'il y a plus de jeunes à faible revenu qui vont. C'est pas trop sympa si c'est des parents qui mettent le gamin à la porte et puis ils disent débrouille-toi pour financer tes études. Mais donc ça, c'est une évolution. Je crois que le vrai enjeu, il est du côté de l'école obligatoire. Mais avant de parler de l'école obligatoire, et parce que c'est important, de l'enseignement fondamental, de la gratuité, de vous entendre dessus, je pense qu'il faut ajouter une quatrième catégorie dans les jeunes qui s'adressent au CPS. Ce n'est pas nécessairement parce que le parent met à la porte, etc. Hein, c'est aussi parce que les revenus du ménage ne sont plus nécessairement à la hauteur pour pouvoir assumer les études de l'enfant. Hein. Et malheureusement, notamment ce statu quo habitant sur lequel on ne reviendra pas, mais dont il faudrait parler un jour quand même, est une des raisons qui conduit éventuellement à du délitement familial non souhaité. Voilà, je ferme la parenthèse sur ça parce qu'il ne faut pas oublier non plus cette partie-là. Mais par contre, la gratuité de l'enseignement, revenons-y sur le fondamental. Tout à fait. Et ça me rappelle gentiment, parce que Christine Maïl le fait délicatement, que je n'ai pas répondu à la question sur le statut de cohabitant. C'est une question qui m'intéresse et qui philosophiquement je trouve intéressante. Mais s'il y a une question qui m'est posée dessus, j'y reviendrai. Bien volontiers. Sur la gratuité de l'enseignement obligatoire, j'en suis un partisan. Et on sait qu'aujourd'hui, on est très loin du compte. On sait qu'il y a de nombreuses dépenses qui tournent autour du monde de l'école et qui, certaines, sont plus ou moins évitables, mais d'autres ne le sont carrément pas. Hein, donc, on a trois enfants à la maison, donc je sais ce que c'est que de payer trimestre après trimestre. Ce fait que pour nous, ce n'était pas une difficulté, mais je peux imaginer que ça puisse l'être pour bon nombre. Et donc, sans bien même parler des activités parascolaires auxquelles on a tous envie peut-être d'envoyer nos enfants, mais où on pourrait se dire, oui, bon, ok, d'accord, ça, c'est pas fondamental. Avant cela, il y a des choses qu'il faudrait envisager. Je suis surpris, du coup, des garderies dans les écoles. Un débat à mener, c'est celui de l'alimentation dans les écoles. Il se fait que j'étais actif dans le pouvoir organisateur d'une école et assez vite, j'étais là depuis quelque peu de temps, mais c'est la meilleure politique sociale qu'on puisse mener dans cette école, c'est d'offrir un repas chaud de qualité aux gamins à midi. Et donc, c'est des choses qui m'interpellent. J'avais aucune notion de la chose avant qu'il y ait une professionnelle de l'enseignement qui me dise, mais voilà. Donc, il y a certainement des réflexions à mener en matière de gratuité de l'école et dans une dimension extensive. Je pense que fournir un repas chaud gratuit à midi de qualité, ça pourrait être une excellente idée, une excellente politique sociale à mener dans nos écoles. Donc oui, simultanément, décourager des comportements dispendieux. Allez, pour dire quelque chose, est-ce qu'il est nécessaire encore aujourd'hui d'emmener des enfants à la piscine ? Je viens d'une époque où on pensait, les parents considéraient que c'était de leur devoir, ou dans la mesure du possible, d'essayer de faire apprendre à nager aux leurs enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit le chlore des piscines, tout ça, est-ce que c'est vraiment un objectif qu'on doit mettre haut dans la barre ? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire des économies sur les piscines scolaires et réallouer cet argent autrement ? J'ai la faiblesse de penser que c'est plus important de donner des bons repas que d'apprendre à nager. Mais je ne dis pas qu'à nager n'est pas intéressant, hein. Mais y a, c'est plus facile de vivre sans nager que de vivre en se... Pardon ? Ça fait partie de l'éducation physique. C'est pas uniquement nager. Ça fait partie du sport. C'est... Voilà. Après, on interdira d'avoir une piste et puis après, on interdira de lancer un javelot parce que le javelot, bah, personne n'en fait. Et pourtant, nos enfants doivent pouvoir leur faire du javelot. Doivent pouvoir avoir accès à ces équipements qui, normalement, n'ont pas accès. Enfin, moi, c'est mon idée, maintenant. Ouais, bon, allez, nous partons pas dans... Non, mais parce que c'est une bonne notion, c'est parce que ça veut dire où est la limite de la gratuité. Bien entendu, j'ai commencé en disant que pour moi, la meilleure notion de lutte contre la pauvreté, c'était l'augmentation des capabilities de Marthia Sen, c'est augmenter la potentialité. Donc moi, j'aimerais que tout le monde apprenne à monter à cheval, hein. Mais tout le monde, hein. Mais je n'ai jamais offert ça à qui que ce soit. Je ne l'ai pas fait gamin. Et je pense pouvoir être un citoyen sans ça. Et je pense que c'est déraisonnable d'imaginer que la société aille payer des leçons d'équitation à tout le monde. Donc oui, on est dans une société. On peut choisir d'offrir l'équitation à tout le monde. C'est un choix. On peut interdire à tout le monde de monter à cheval. C'est un autre choix. Et puis entre les deux, on peut se dire, il y a des gens qui ont des sous pour monter à cheval. Pour peu qu'on les soumette à taxation, eh ben voilà, si de leur surplus ils ont envie de monter à cheval, eh ben c'est très bien. Mais je ne pense pas que ça fasse partie des rôles de l'école d'apprendre à monter à cheval. Et j'interroge le fait de savoir si c'est important ou prioritaire que l'école apprenne à nager. Je vous mettrai la priorité ailleurs que moi, et fort heureusement que nous serons d'avis différents, mais laissez-moi penser que le sport, oui, mais le sport, ça peut être tout aussi bien un vélo ou une course à pied que la piscine. Quand on sait la consommation énergétique d'une piscine, la pollution, l'état sur la santé, je ne suis même pas sûr qu'on rende service aux gamins, et je suis sûr qu'on ne rend pas service à la planète. Mais voilà, c'est pour ça que j'aimais bien l'exemple de la piscine. Mais c'est pour dire aussi qu'on a des schémas mentaux qui datent de l'ancien temps. J'ai commencé en disant, mes parents pensaient que c'était obligatoire, la bonne éducation impliquait, parce que voilà, ils avaient grandi dans cette idée-là. Eux-mêmes n'avaient pas eu des cours de natation, hein. Ma maman, elle ne savait pas nager, et pourtant elle a pensé que c'était obligatoire de nous apprendre à nager. Et donc, on avait les cours avec l'école, et parce qu'ils n'étaient pas très bons, on se tapait des leçons complémentaires, et mes parents auraient mieux fait de faire autre chose. Donc c'est surtout du conditionnement mental. Est-ce que vous aimez bien nager ? J'ai horreur de ça. Voilà. C'est juste chiant. Mais voilà, ça explique tout. Mais non, mais faire du vélo en forêt, c'est quand même vachement plus gai que d'aller nager dans une piscine. Mais oui, ça c'est vous qui le dites, hein. On s'échappe. Mais... La gratuité des écoles, la gratuité, oui. Fort heureusement, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un problème significatif d'accès à l'école mais néanmoins, je pense qu'il faudrait progresser dans la véritable gratuité de l'école en ce compris des choses qui pourraient être considérées comme extrascolaires, et j'ai mis l'accent sur la nourriture à midi, parce que ça me semble être sociétalement un enjeu majeur. Oui, alors, ça appelle une réponse très très courte, même si je sais qu'elle devrait être longue. Est-ce que c'est pensable, avant de passer la parole à Eddy, oui ça va alors, est-ce que c'est imaginable, puisque la gratuité scolaire est quelque chose qui importe terriblement au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, en tout cas donc dans le maternel, le primaire, le secondaire, et très rapidement, notamment dans l'enseignement technique et professionnel, qui est très coûteux, beaucoup plus coûteux que dans l'enseignement général. Est-ce que c'est raisonnable de se dire que si la volonté politique y est, sur une législature, il est possible de révolutionner les choses pour que ça prenne résolument ce tournant-là ? Oui, je le redis, je crois à l'action collective, je crois à l'action politique. Je ne crois pas au fait que nous soyons impuissants. Donc oui, si nous le voulions, nous pourrions. Mais il faut savoir ce que nous voulons. Plus d'argent pour l'école, ça veut donc de l'argent qu'on va aller voir chercher chez les gens et le leur expliquer, et ne pas venir avec des yakas en disant il n'y a qu'à taxer l'argent des riches, parce que peut-être que même si on taxait mieux les riches, et il y a à penser qu'il y a moyen de faire mieux contribuer les riches, mais quand bien même il est possible qu'on n'y arrive pas. Donc il faut réétudier combien ça coûte, voir où on va chercher l'argent, quels seraient éventuellement ce qu'on appellera en économie les effets d'éviction, parce que si on fait ceci, c'est quelque chose d'autre qu'on ne peut pas faire à la place. Ayons toujours à l'idée, mais tiens, au fond, si je fais ceci, c'est autre chose que je ne peux pas faire. Ce sont des arbitrages, comme nous appelons cela. Et donc si on met l'accent sur la gratuité de l'école, et par exemple la gratuité des repas scolaires, ben, c'est de l'argent en moins pour autre chose. C'est pour ça que je trouvais intellectuellement honnête de dire, ben, on peut supprimer, par exemple, mais je ne sais pas combien ça coûte, hein, ou combien donc ça rapporterait, de supprimer les piscines scolaires. Voilà. Mais donc, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, mais il y a certainement moyen de progresser dans le sens de la gratuité dans les écoles. Et d'aller vite. Ben oui. Et d'aller vite. Donc on a le temps, ça fait une heure, mais peut-être quelque chose à... Parce que c'est toi qui as posé la question, quelque chose à rajouter ? Non ? C'est qui le... J'ai une idée à vous lancer. Attention, parce que ça vient de vous. Hein. Sur les écoles. L'uniforme scolaire. Pourquoi ? Parce que je suis convaincu, mais convaincu, pour avoir un frère qui donne cours à Anderlecht, et donc de l'avoir entendu, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas un sondage grande école, c'est pas une grande étude académique, c'est un vécu d'une personne, il est prof à Anderlecht, eh ben que malheureusement, il y a une surenchère idiote dans la consommation vestimentaire, dans les écoles, et que s'il n'y avait pas cette surenchère, ça soulagerait les finances des familles. Et donc, comment éviter cette surenchère ? On a bien vu à la maison, hein ? Un jour, le gamin, il est revenu en disant « Moi, je veux un pull à capuche. » « Pourquoi tu veux un pull à capuche ?»« Parce que les autres ont un pull à capuche. » C'était aussi simple que ça. Mais s'il n'avait pas eu son pull à capuche, il aurait été malheureux. Qu'est-ce qu'on a fait le jour même ? On était chercher le pull à capuche, parce qu'on a la capacité financière de le faire. Mais donc, il a voulu avoir le pull à capuche parce que les autres l'avaient. Donc, si les autres ont des nouveaux sneakers, il voudra un nouveau sneaker. S'ils ont un nouveau cartable, un nouveau cartable. S'ils ont un beau pull, il voudra le beau pull. Et si c'est les pantalons mi-court, très court, un peu long, large, très serrant, j'en sais rien, il voudra ce que les autres ont. Et donc, je pense qu'il faut aussi envisager une sorte de désarmement consumériste. Et à l'école, il est possible que ce désarmement consumériste passe par un retour de l'uniforme qui a... Bon, bien sûr, il y a des pulls bleus d'uniforme qui seraient chics et des pulls bleus bon marché, mais peut-être que ça pourrait participer à une certaine désescalade dans la consommation qui est une source de surendettement pour un certain nombre de familles et de dépenses pour beaucoup de familles. Prochaine question, c'est qui ? Dans un car, il y a une dispute entre les blancs et les noirs, et le chauffeur en a marre de ces disputes. Il dit, mais non, il n'y a plus de blancs, il n'y a plus de noirs, tout le monde est bleu. Les bleus foncés derrière et les bleus clairs devant. Ça ne change rien, le costume, ce n'est pas ça qui fera la différence. On en reparle si on a le temps après. On en reparle, garde. Si on a le temps, on prendra. Concernant le logement, vous avez déjà un peu abordé la question. Donc, dans notre pays, des personnes ne peuvent pas se loger, payer régulièrement le loyer. Des personnes doivent choisir entre payer le loyer, l'eau, le mazout et l'électricité, et donc toujours être en danger et menacé d'être en défaut. Comme économiste, qu'est-ce que vous proposez pour résoudre la question du logement ? Donc, j'ai cru comprendre que vous proposiez déjà d'indexer, non pas à partir du belge moyen, mais du pauvre moyen. Est-ce que vous pouvez développer ? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça ? En matière de logement, le raisonnement de l'économiste est un raisonnement très simple. enfin, de l'économiste, d'un économiste ordinaire comme moi. Je ne prétends pas représenter toute la profession. Je pense qu'il faut absolument construire plus de logements. Pourquoi ? Eh bien, en fait, parce que, sans entrer dans des détails trop techniques, le prix, ça va être ce qui va faire en sorte qu'il y ait autant de gens qui cherchent à se loger qu'il n'y a d'appartements ou de maisons qui sont amenés sur le marché. Si, brutalement, il y a la moitié des bâtiments disparaissent de la ville de Namur. Les locataires, ils vont se disputer entre eux pour essayer d'avoir quand même un des logements qui subsiste. Et qu'est-ce qui va se passer ? Les loyers vont augmenter. Si à l'inverse, il y avait brutalement beaucoup plus de logements sur la ville de Namur, les propriétaires se feraient, eux, un petit peu se disputer pour quand même trouver un locataire. Et comment faire pour attirer un locataire ? En abaissant les loyers. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande en économie. Hein. Mais donc, ce que l'on entend avec cela, c'est que dans la durée, pour moi, la meilleure politique pour avoir des logements accessibles, c'est, en termes de montant de loyer, c'est d'avoir une augmentation de l'offre de logements. Donc, je n'ai pas dit que si ça devait être des promoteurs privés ou si ça devait être les pouvoirs publics, hein, ça, on peut raffiner. Mais la première idée, c'est de dire il faut augmenter l'offre. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Eh bien, parce qu'en fait, il y a une autre politique à laquelle on pourrait penser, c'est de dire on va plafonner les loyers. On interdit aux propriétaires d'augmenter les loyers. Vous savez quoi ? C'est une politique qui a été utilisée dans beaucoup de pays, avec un grand avantage. C'est qu'on peut observer ce qui s'est passé. Et il y a un endroit qui va peut-être vous surprendre où on a pratiqué ça, c'est les États-Unis. Oui, les États-Unis, on a l'impression que les États-Unis, c'est le Far West, il n'y a pas de règles. Non, non, non, pas du tout. Aux États-Unis. Et même à New York. Et même dans les quartiers chics de New York, on a fait un contrôle des loyers. Et qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous croyez que les pauvres ont bénéficié de ce contrôle des loyers ? Les loyers ne peuvent plus augmenter. À court terme, oui. À court terme, mon loyer n'augmente pas, ça c'est bien. Mon allocation augmente un petit peu, mon salaire augmente un petit peu, mon loyer n'augmente pas, c'est tout bon. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, comme les loyers n'ont pas augmenté, les gens qui avaient des sous à investir, ils n'ont pas été les investir dans New York, puisque ça rapportait peu, puisque les loyers étaient gelés. Donc ils ont été mettre leur argent ailleurs. Et donc on n'a pas construit de nouvel appartement à New York. Ouais. Oui, mais la population, elle a tendance à augmenter. Si on ne construit pas alors que la population augmente, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que les gens qui étaient dans des appartements à loyer contrôlés, ils ne faisaient qu'une seule chose, c'était rester dans leur appartement à loyer contrôlé. Vous n'avez pas déménagé pour changer d'appartement, c'est votre appartement qui est dans un loyer dont le loyer n'augmente pas. Donc, quand bien même votre situation économique s'améliore, vous restez dans votre appartement à loyer contrôlé. Ce n'est pas un économiste de l'ultra-droite qui dit ça, c'est un certain Joe Stiglitz, qui est le grand économiste souvent avancé par les altermondialistes. Ça fait partie du début de son manuel d'introduction à l'économie en première année, qui est le manuel que j'utilisais quand je donnais ce cours. Donc, c'est pour montrer que ce n'est pas une idée de droite, entre guillemets. Alors, c'est peut-être un argument d'autorité de dire ça, mais enfin, c'est pour montrer que c'est une idée qui est largement partagée dans le monde des économistes, que le contrôle des loyers, ce n'est pas une bonne idée, dans la mesure où, dans la durée, ça s'accompagne d'une non-construction de nouveaux appartements ou de nouvelles maisons. Autre idée avec laquelle, là, je suis très en phase, c'est l'allocation loyer. Je pense que une notion d'allocation loyer est importante dans un pays comme le nôtre, où nous avons, je crois que sur Bruxelles, il y a 40 000 demandes de logement social non satisfaites. Hein. Donc c'est l'ordre de grandeur, je crois. Hein. Voilà, donc c'est dire la gravité de la situation. Et on sait bien que les communes ne sont absolument pas intéressées par faire du logement social. Vous imaginez bien, c'est des gens qui vont être des candidats pour venir au CPS, c'est des gens qui vont peut-être pas bien sortir à heure et à temps leur poubelle, et les voisins vont avoir peur parce qu'ils ont peut-être une couleur de peau qui ne leur plaît pas ou un look qui ne les arrange pas. Voilà, donc il y a une stigmatisation autour de ça en plus. Donc les communes n'en veulent absolument pas du logement social. Et aujourd'hui, on a en même temps une très très grande inégalité entre deux personnes qui ont les mêmes revenus, les mêmes capacités contributives, comme on dit dans notre jargon, l'un qui a accès au logement social et l'autre pas. Le premier est nettement moins mal loti que le deuxième. Il y a une grande injustice. Ça me dérange. Et je trouve que on ne peut pas avoir un système de logement social qui reste à ce point discriminant, à ce point insatisfaisant. Donc on doit absolument développer, si ce n'est pas du logement social, c'est du logement alternatif accessible par le même public aux mêmes conditions. Il y a des efforts qui ont été faits avec les agences immobilières sociales. C'est un pas qui va certainement dans cette direction-là. Mais je pense que le principe de l'allocation loyer, qui serait versé à celui qui a les conditions d'accès au logement social, mais qui ne peut pas avoir accès au logement social parce qu'il n'y a pas de logements sociaux, me semble être une piste intéressante. Et j'ai envie de dire, c'est le béaba de la justice sociale. Il n'y a pas de raison que l'on donne un avantage à l'un et pas à l'autre qui se trouve exactement dans la même situation. Donc ça me heurte. En amont, ça me heurte que des gens soient mal logés, bien entendu. Donc il faudrait que tout le monde qui soit bien logé, et ça me heurte que certains le soient et d'autres pas. Donc voilà des pistes, construisons plus et donnons une allocation loyer. Oui, juste une remarque par rapport à l'allocation loyer, ok. C'est quelque chose d'ailleurs que le réseau soutient. Mais comment garantir que l'allocation loyer ne va pas provoquer une augmentation du loyer par le propriétaire? Donc comment être sûr que ça n'arrive pas dans la poche du propriétaire et que ça ne reste pas dans la poche de la personne qui en bénéficiera? C'est une bonne objection. On le sait en général que quand on donne un avantage dans le chef des pouvoirs publics, il n'est pas acquis que l'avantage va réellement profiter à celui auquel on pensait. J'y reviens en faisant un détour. Le détour, c'est, j'ai un beau-frère, installateur en chauffage central. Il a dit un beau jour, je ne sais plus si c'était la région wallonne ou le fédéral, a décidé de donner une prime à l'installation de chaudières plus performantes. Du jour au lendemain, le prix des chaudières plus performantes a augmenté. Bon, et donc pour les gens, c'était schnoll, rien comme changement. Donc on sait bien qu'une mesure en apparence bien intentionnée n'arrive pas nécessairement dans les poches auxquelles on voudrait qu'elle arrive. Donc, il y a ce risque que si on donne une allocation loyer, ça ne serve pas les intérêts de ceux auxquels on pense, mais que ça serve les intérêts des propriétaires. C'est une évidence. Et c'est pour ça qu'à mes yeux, la méthode la plus efficace, et que c'est pour ça que j'ai commencé par elle, c'est l'augmentation du nombre de logements. Là, on est sûr qu'il y aura une mise en concurrence des propriétaires et que c'est la mise en concurrence des propriétaires qui fera baisser les prix des loyers dans nos pays. Ça veut dire quoi, construire plus? Ça veut dire accepter dans nos quartiers une densification. L'idée n'est pas d'aller bâtir dans les forêts, n'est pas de construire des logements loin des transports en commun, certainement pas. Et il y a aussi ici une convergence avec des nécessités environnementales. Il faut absolument densifier nos centres-villes, densifier les noyaux urbains. C'est là qu'il faut construire. Et ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut raser tous les arbres de Namur, mais ça veut dire que là où on construisait 3 étages, on en fasse 4, et que si on en faisait 4, on en fasse 6, que sais-je, accepter une densification de l'habitat. Je vais passer le duc tout de suite. Juste, et puis on ne va pas s'étendre, parce que là, alors on pourrait se lancer dans un débat complet logement. Densification auprès des centres-villes, etc. Simplement un constat, c'est qu'il y a déjà en grosse partie une densification dans ces lieux-là, évidemment avec un effet spéculatif, parce que étonnamment, à proximité des grands pôles de déplacement, etc., c'est souvent du logement de haut niveau pour personnes à haut revenu, alors que ce qu'il faudrait alors faire, c'est arriver à agir pour que la spéculation n'entraîne pas ça, et qu'on puisse avoir près des pôles de déplacement, etc., aussi des personnes à faible capacité financière. Là, on est en tout cas dans quelque chose où il faudrait vraiment réfléchir, parce que ce sont des idées évidemment qu'on débat beaucoup aussi au niveau du réseau. Il faudrait peut-être faire sur le logement. Attends. Et juste aussi ce que je veux dire, et puis l'anecdote, et puis le Duic, sinon il va m'étrangler. Et les auditeurs n'ont pas envie de voir ça. Enfin, j'espère. Ils diront rien de toute façon, ça sera dans le silence. Je trouve que ce qui m'interpelle dans les propositions et les réponses, et en même temps je le comprends, et en même temps c'est ça toute la difficulté, c'est que les gens qui sont dans la pauvreté depuis longtemps, et pour certains ça dure depuis des années, ils ont besoin qu'il y ait maintenant des réponses dans des délais très courts. Et en même temps, on entend bien que dans les réponses, il y a des réponses qu'il faut envisager à moyen et long terme, à tout point de vue. Et donc, je pense qu'il faudra aussi réfléchir politiquement à deux vitesses. C'est comment on aide dans une temporalité rapide des gens qui sont vraiment la tête en dessous de l'eau depuis beaucoup trop longtemps et qui, s'ils restent encore, vont être encore plus affaiblis. Et donc, perte pour eux et perte pour la société, tout en créant des dispositifs long terme, effectivement, qui peuvent corriger, alors structurellement, dans la durée, l'entièreté de ces inégalités. Bon, peut-être on pourrait y revenir, mais voilà. Alors, il y a une anecdote. Oh, oui, l'anecdote, c'est en matière d'immobilier. En fait, il y a un projet immobilier dans le, près de chez nous, là où on habite à Bruxelles, un vieux garage qui va être démoli, transformé en habitat. Mobilisation des habitants dans le quartier parce qu'ils craignent que ça va attirer quoi ? Plus de gens, donc moins de places de parking. Ce qui traumatise l'habitant lambda, c'est la perte de places de parking ou devoir marcher un petit peu plus pour trouver un parking. Bon. Donc, qu'est-ce qui est finalement conclu ? Eh bien, au lieu d'avoir un immeuble à 4 étages, ce sera un immeuble à 3 étages, mais le promoteur, au lieu de vendre des appartements d'un certain niveau de standing, s'est rattrapé en vendant ça comme un immeuble à standing plus élevé. Et parce que sa marge pour des appartements de luxe est plus importante. Il faisait moins d'appartements puisqu'il perdait un étage, mais il en faisait des plus luxueux et ainsi il se récupérait. Donc, en fait, je pense qu'il ne faut pas réserver le centre-ville aux nantis. Je pense que si on construit beaucoup, eh ben, qu'il y aura on en construira pour tout le monde. Vous savez, il y a des propriétaires qui vont devenir riches en ayant des pauvres comme locataires. Hein. C'est déjà le cas. Je ne suis pas ici pour faire l'apologie des marchands de sommeil, hein, bien entendu. Mais il ne faut pas imaginer que le propriétaire ne souhaite avoir que des gens riches. Parce que le jour où il aura construit plein d'appartements luxueux et que ces appartements seront vides, ben, il n'aura pas fait de bonnes affaires. En fait, le propriétaire, il va faire un calcul en fonction de à qui il peut louer, pour combien. Et donc, il ne faut pas penser qu'il n'y aura jamais un propriétaire privé qui sera intéressé par avoir une population à revenus moyens ou limités dans ses murs, certainement pas. Bien sûr, il fera des aménagements qui seront moins luxueux, ça. Je ne dis pas que c'est beau, mais ça se comprend. Donc, construisons plus de tous les styles, et vous verrez, et permettons de construire du luxe, du pas luxe et du tout, et augmentons l'offre. J'ai envie de faire une remarque au-delà de ta question à poser. Hein. Moi, ça m'énerve un peu quand j'entends toujours dire qu'on doit construire plus. Je crois qu'il y a quand même assez d'immeubles inoccupés, je crois qu'il y a assez de logements inoccupés que pour loger tout le monde. Je crois qu'actuellement, on a 17 millions de possibilités. Il y a 17 millions de logements possibles actuellement en Belgique. On a 20% à peu près du parc immobilier qui n'est pas occupé, qui est en réhabilitation. Il y a 37% du parc wallon de l'État fédéral qu'on n'occupe pas et pourtant on n'en fait pas des logements sociaux. Je vais prendre l'exemple ici à Namur du Square Léopold, par exemple. On a vidé tout le Square Léopold, ça fait 7 ans, il n'y a rien dedans. C'est des endroits où, alors qu'il y a des gens qui dorment dehors. Ça, je ne peux pas l'entendre. Ça, je peux vraiment pas l'entendre. Il faut savoir être radical. Et c'est évidemment choquant de voir la coexistence entre des immeubles vides et des gens qui dorment dehors. C'est tout simplement inacceptable. Je suis néanmoins surpris par votre chiffre. Penser qu'il y a 20% de l'immobilier qui serait inhabité, c'est assez étonnant. Il y a certainement des mouvements, des comportements spéculatifs de la part d'un certain nombre de propriétaires. Enfin, c'est difficile d'imaginer que des propriétaires gagnent plus leur vie en laissant un bâtiment vide et se dégrader qu'en ayant des locataires dedans. Donc, il y a des comportements spéculatifs de certains propriétaires qui préfèrent laisser pourrir une maison, et certainement. Mais penser que ça prend de telles proportions... Quand je vois dans ma rue, 20%, ça veut dire une maison sur 5 qui serait inhabitée ou un appartement sur 5, ça me paraît simplement... Ça se voit, hein. Mais les moyennes, vous savez. Oui, mais allez, honnêtement, 20% d'immeubles inhabités, c'est tout simplement... non, c'est... 10% d'analphabètes dans votre rue. Est-ce qu'il y a 10% d'analphabètes dans ma rue? Vraisemblablement que non. Oui, mais pourtant, il y a 10% d'analphabètes. Oui. Attends, parce que ici il y a un micro. Oui, on a. Après, je garde. Sinon, ça, on perd le sens. On n'entend pas ce que tu dis. Mais moi, ça m'intéresse hein, d'entendre ce que tu. Mais gardons. On voit le temps et il y aura le temps de jeter un ou deux micros. Donc, gardez vos questions. Je pense que ce qui est important dans ce que Ludwig a soulevé, c'est le fond. C'est le fond de effectivement, il y a des gens à la rue, il y a du possible dans du vacant, il n'y a pas assez, etc. Après, on peut discuter des chiffres. Hein. Mais il n'y a pas de contradiction entre les deux. On peut très bien souhaiter à la fois construire plus et qu'il y ait moins d'immeubles inoccupés, tout simplement. Allez, c'est laquelle ? Qui ça ? C'est aussi l'enjeu du droit à la propriété privée par rapport à la nécessité pour d'autres qui n'ont pas ce droit à la propriété privée de pouvoir avoir droit à cet article 23 aussi qui est dans la Constitution, donne un droit au logement notamment. Et donc, comment est-ce qu'on passe du droit privé? On sait que maintenant aussi, enfin bon, voilà, on peut s'étendre. Une remarque? Oui, on va... Une remarque? Voilà, non, c'est une remarque. Ok. Bah alors, ta remarque est tout aussi valable. Hein. Tu veux faire une remarque maintenant? Non, mais ça va, on va laisser continuer. Ok. Question. Simplement pour que l'auditeur s'y retrouve, je pense que le logement mérite un débat à lui tout seul. Voilà. Alors, moi, je vais partir d'un exemple concret. Quelqu'un qui a une dette de 500 euros, mais qui a de l'argent pour pouvoir payer sa dette d'un seul coup, va dépenser moins d'argent qu'une personne qui n'a pas d'argent et qui devrait la payer en plusieurs fois avec des amendes, avec des intérêts, etc. Et donc, ça va coûter plus cher à la personne qui est plus pauvre, évidemment. Et donc, qu'est-ce que les économistes pensent de nos difficultés économiques? Est-ce que les économistes pensent que nos difficultés économiques viennent de notre comportement? Donc, la personne est responsable, en fait, de sa situation. Est-ce que le système économique punit le pauvre d'être pauvre en faisant ça? Et qu'est-ce que vous proposez pour changer ça? Il y a certainement des économistes pour penser que les pauvres sont responsables de leur pauvreté. Ce n'est certainement pas mon cas. Donc, en tout cas, ce n'est pas l'unanimité des économistes pour penser cela. J'ai même la faiblesse de penser que les économistes, dans leur majorité, penseront que, bien entendu, ce n'est pas le pauvre qui est d'abord responsable de sa situation. On peut penser que dans certains univers culturels plus anglo-saxons, il y a cette idée « aide-toi, le ciel t'aidera »,« si tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même »,« si tu le veux, tu le peux ». Bon, ça déborde parfois du côté français et on a entendu un président dire tout récemment qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot, mais il n'a pas rencontré les applaudissements de la communauté des économistes pour ce propos parfaitement nauséabond qu'il a tenu. Donc c'est évidemment faux qu'il suffirait de traverser la rue pour trouver du boulot, donc et certainement pas si on s'appelle Mohamed, ou pour d'autres considérations. Donc c'est tout simplement idiot dans son chef. Donc je crois qu'aujourd'hui, fort heureusement, on n'est pas dans un monde dans lequel on va stigmatiser le pauvre comme étant responsable de sa pauvreté. Je vous ai dit, il y a des débats sur le fait que le pauvre se laisse aller avoir des comportements qu'il ne devrait pas avoir, notamment en matière de consommation. Je fais référence à cet article du Monde dans lequel des gens s'indignaient qu'un gilet jaune puisse se plaindre de ses fins de mois difficiles tout en allant au McDo, en disant, il suffit de ne pas aller au McDo et ça ira bien. Donc oui, il y a parfois des gens qui vont stigmatiser le pauvre en disant, mais c'est parce que tu consommes mal, parce que tu ne sais pas gérer ton budget, que tu as besoin. Mais je pense qu'aujourd'hui, fort heureusement, cette idée est relativement peu présente, ou en tout cas qu'il y a des gens pour la combattre. J'en serai si dans mes modestes moyens. Il y a accepté qu'aujourd'hui, vivre avec 1200 euros par mois, c'est pas évident. Je vous ai cité le cas de ma fille qui vit dans une situation. Voilà, donc, je vais pas dire ma fille. Donc, je pense que oui, il y a des situations de pauvreté et que ces situations de pauvreté ne sont pas attribuables d'abord et avant tout au comportement individuel. Ceci dit, je pense qu'il y a des situations de pauvreté liées à des situations de surendettement, liées à un consumérisme, mais je ne vais pas stigmatiser le pauvre par rapport à ça. Je pense que collectivement, nous avons à entreprendre un effort pour vivre dans une société qui serait moins consumériste et que tous nous en bénéficierions, les pauvres en termes de pouvoir d'achat, l'ensemble des gens en termes de pouvoir d'achat, mais aussi en termes de soutenabilité environnementale. Donc, je ne voudrais pas non plus aller dans un univers où nous serions tous des responsabiliser de tout. Donc je pense que je crois que le pauvre n'est certainement pas le premier responsable de son état de pauvreté, mais je pense que ça ne signifie pas qu'il faille écarter des stratégies qui chercheraient à renforcer la responsabilisation des personnes. Donc au niveau de l'exemple, quand on se dit aussi qu'il y a cette notion d'intérêt sur les dettes, etc., des dettes qui grandissent, qui n'arrêtent pas d'augmenter, là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Le mécanisme de l'intérêt est un mécanisme assez contestable éthiquement et qui amène un certain nombre de religions. Le cas le plus connu, c'est celui de la finance islamique, bien entendu, ne pas aimer le fait que l'on puisse devenir faire de l'argent avec l'argent, hein, ce qui est la notion même de l'intérêt. Ce qui n'empêche pas le capitalisme. La finance islamique n'interdit pas d'être actionnaire, mais a davantage de problèmes avec le prêt à intérêt. Et ce n'est pas la spécificité, je ne suis pas du tout un spécialiste de la dimension économique des religions, hein. Je ne vais pas faire mon pédant ici, mais donc ce n'est certainement pas l'apanage de la de la seule religion islamique, même la religion catholique n'a pas toujours été à l'aise avec cette notion d'intérêt, hein, et de prêter moyennant un intérêt. Mais je ne voudrais pas aller dans un monde dans lequel il n'y a pas d'intérêt. Je veux dire, je pense que, vous savez, d'abord parce que qui sont les personnes qui empruntent le plus, sont les gens très très riches. Parce que c'est en empruntant que vous faites travailler les autres. Et donc je pense que la solution n'est pas de dire « je vais bannir le taux d'intérêt de notre société ». Je ne crois pas que ce serait la bonne réponse. Je pense que ce qu'il faut faire en sorte d'avoir comme monde, c'est un monde où on n'a pas des spirales de surendettement liées à des amendes sur amendes sur amendes. Ça, c'est tout à fait idiot. Et on sait qu'il y a des huissiers de justice qui se comportent de manière violente, on sait qu'il y a des tarifs qui sont exorbitants et qui entraînent une accumulation de pénalités et des accumulations de retards de paiement qui enfoncent les gens. C'est tout à fait absurde et c'est scandaleux. Donc prenons-nous-en à ceux qui s'enrichissent sur la misère humaine, certainement, mais ne condamnons pas, à mes yeux, le principe de l'intérêt à payer si on emprunte une somme d'argent. Je pense que ce principe de l'intérêt que l'on perçoit si l'on économise et que l'on paye si l'on emprunte, c'est un principe qui a une certaine, un fondement sociétal positif. Mais là, on n'emprunte pas, okay. On paye. Oui, je voulais juste dire par rapport à ça... Mais vas-y. Mais moi, par rapport à ça, c'est pas tellement par rapport à l'emprunt que j'ai un problème avec l'intérêt, c'est vraiment plutôt par rapport aux amendes. On sait que ça, c'est des gens, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations... Pourquoi est-ce que vous avez une amende? Vous avez trouvé que j'ai pas chipoté avec les mots, mais si vous avez une amende parce que vous avez payé votre facture d'électricité en retard, c'est comme si vous aviez emprunté auprès de la compagnie d'électricité, en fait. Hein. Économiquement, on va analyser ça de la même manière. Vous avez acheté de l'électricité sans avoir l'argent pour l'électricité que vous avez acheté. Donc, ça revient économiquement à un emprunt. Oui, si je peux me permettre par rapport à ça, et ce que Julie soulève comme question, oui, économiquement, c'est une lecture. Alors, on pourrait en faire une autre quand même, c'est que quand des personnes ont des dettes hospitalières, quand des personnes ont des dettes parce qu'elles ont pris le train sans payer, parce qu'elles ne savent pas payer, quand des personnes ont des dettes avec l'énergie, hein, on pourrait multiplier, hein. Je ne suis pas sûre qu'on doive considérer ça comme un emprunt dû à la SNCB ou un emprunt dû à l'hôpital. Et lorsque, à un moment donné, des personnes ont la possibilité de rebondir dans la vie, et puis qu'au moment où elles rebondissent dans la vie, l'ensemble de ces dettes leur reviennent dans la figure avec une hauteur de facture démesurée qui n'est pas due du tout à la somme due au départ, qui est due aux intérêts qui ont couru. Et donc que ça leur réenfonce la tête en dessous de l'eau. Il y a quand même, et moi c'est ce que j'appelle quand même une espèce de malhonnêteté financière, parce que quand c'est des années après... Je ne suis pas une grande économiste, mais on sait bien que dans toute société, au bout d'un certain temps, quand la dette n'est pas payée, elle disparaît du bilan en pertes et profits, etc., etc. Donc on finit par se demander s'il n'y en a pas qui comptabilisent des intérêts pour équilibrer des budgets. J'imagine que ce n'est pas comme ça que ça va. Mais par rapport à la grande pauvreté, par rapport à des gens qui doivent s'en tirer, etc., il y a quand même quelque chose à faire là-dessus, notamment par rapport à des besoins de base que sont la santé, que sont la mobilité, que sont l'énergie, etc., etc. Et un certain nombre d'acteurs, pas tous, loin de là, de ces secteurs-là, sont d'ailleurs enclins à dire que oui, il y a quand même quelque chose qui pose problème. Quoi. Quand à un moment, une dette de 1 000 euros après des années hein, devient 14 000 ou 12 000 comme quelqu'un, ou 20 000 parce que les intérêts ont couru et que les personnes ont disparu de la circulation parce qu'elles ne pouvaient pas être autrement qu'aux courses, il y a un problème. Donc je pense qu'il y a à prendre dans la nuance dans tout ça et à ne pas faire une seule explication qui serait que c'est un espèce d'emprunt supplémentaire que la personne a fait en attendant de pouvoir payer. Quoi. C'est un peu trop court. En fait, je réponds, il y a deux parties. Il y a la partie d'abord sur la gratuité, d'autre part sur l'accumulation déraisonnable d'indemnités de retard et de pénalités de retard. J'aime dire que si Mohamed... André ou Abraham vole une pomme pour manger parce qu'il a faim, c'est pas du vol. Donc, dans mes valeurs à moi, il y a un droit minimum qui est de manger décemment. Bien. Mais est-ce que on a le droit d'avoir un transport en commun gratuit? C'est pas quelque chose qui me vient spontanément à l'esprit. Mais je peux entendre que si moi je mets certaines choses en disant on a droit à avoir certaines choses gratuitement, du genre avoir une pomme, que d'autres disent moi c'est une pomme et un logement, et puis c'est une pomme et un transport en commun, et c'est pas la pomme mais c'est le transport en commun et le logement, et que chacun ait ses conceptions de ce que l'être humain, parce qu'être humain, a droit à avoir et sans tenir compte de quoi que ce soit d'autre, et donc qu'il y ait une gratuité de base à avoir de certaines choses. En matière de santé, je serais enclin à penser que la gratuité s'impose également. Mais de nouveau, les transports en commun, je ne suis pas spontanément amené à penser que oui, nous aurions tous le droit de prendre le transport en commun sans payer. Mais je pense que c'est un débat dont on peut sortir et dont il faut idéalement sortir par le haut, qui est celui de la revalorisation du pouvoir d'achat de la personne à faible revenu. Et en laissant à cette personne à faible revenu la liberté de faire des arbitrages, je ne pense pas que le transport en commun gratuit pour tout le monde, ou même pour une partie de la population, ce soit une bonne idée. Donc, oui. Je coupe quand même parce que c'est pas dans ce sens-là. On peut être d'accord éventuellement. Je ne donne pas mon avis sur gratuité du transport en commun ou pas. Mais aujourd'hui, tant que le pouvoir d'achat des personnes à faible revenu n'est pas revalorisé pour qu'elles soient libres de faire leur choix, vous avez des parents qui doivent aller voir leur enfant placé en aide à la jeunesse au fond de la province du Luxembourg, qui devront prendre le train. Et qui parfois ne pourront pas payer pour prendre le train et choisiront de monter dans le train sans payer pour aller le voir. Donc il ne faut pas toujours voir les choses non plus comme... Et on en connaît beaucoup, ce n'est pas une exception. Et donc il y a de nouveau quelque chose là qui ne va pas lorsque... Ce qui ne va pas, voilà. C'est que cette personne n'a pas le pouvoir d'achat. Mais en même temps que prendre le train, ne pas payer et recevoir une amende, ça, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Prendre le train, ne pas payer. Je pense que le principe d'avoir une amende dans le train pour celui qui n'a pas payé, c'est logique. Parce que demain, sinon c'est quoi? C'est le transport en commun gratuit pour tout le monde? Oui. Et donc, ce qui est une connerie monumentale, hein? C'est une connerie monumentale, hein? C'est pas l'objet du débat. Non, non, mais je pense. Mais parce qu'il y a. Rester sur le fond, parce que là, c'est une manière d'éluder la question. Aujourd'hui. Non, je n'élude rien. Ça, c'est faux, ça, c'est une accusation que je n'accepte pas. Je n'élude rien. D'accord. Ok, ça va. Parce que c'est grave, hein. C'est insultant. Non, si, non. C'est m'accuser de malhonnêteté intellectuelle. Mais non. Ben si, dire vous éluder, c'est de l'accuser, c'est d'une forme de malhonnêteté intellectuelle. Allez, on reprend la question de départ. Je réexplique ma question, c'est aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes pour différentes raisons qui prennent des transports en commun sans payer. Et aujourd'hui... Ils ont raison de le faire. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis... Certaines ont raison. Oui. Le gamin, si on va visiter quelqu'un à Saint-Hubert, on a raison et qu'on n'a pas l'argent, oui. On a raison de ne pas payer. Mais oui, mais évidemment. Mais quand ils mais ont. Le problème, mais comment ça va faire. Ben oui, mais donc, ça va faire quoi? Comment est-ce qu'on va organiser la société? Mais on est bien d'accord. Il y a un contrôleur. Dit, c'est quoi? Vous allez où? Je vais à Saint-Hubert. Ah oui, vous faites quoi à Saint-Hubert? Est-ce qu'on a envie d'un contrôleur qui aille dire vous allez à Saint-Hubert pour faire ceci, ça c'est monsieur bon, ça c'est Etienne, pas bon? Monsieur Etienne, mais pourquoi vous vous énervez? Pourquoi on. Mais non, c'est de l'incompréhension. En communication, des fois on ne se comprend pas, c'est pas grave. Non, on ne se comprend pas. Il y a un présupposé négatif. Mais non. Mais non, j'essaye d'aller au bout de la question, et je voudrais bien aller au bout de la question. C'est qu'aujourd'hui, la personne prend le train. Elle le fait parce qu'elle a une vraie raison de le faire. Il y a une amende à la clé. Oui. L'amende à la clé augmente. Oui. Et on est dans la même question que tout à l'heure, quand je disais, c'est ce que je disais tout à l'heure, et que vous expliquez bien, et donc sur ça, je suis d'accord avec vous. On est dans un moment sociétal où il y a des gens qui sont dans une difficulté intense depuis longtemps, qui ont besoin d'être aidés immédiatement. Oui. Notamment ces gens-là, par exemple, aujourd'hui, ne peuvent même plus passer devant le juge de paix par rapport aux amendes qu'ils ont avec la SNCB. La SNCB fait une transaction directe. Ils ont la même chose dans des dettes avec l'électricité. Oui. Il n'y a plus de transaction vis-à-vis de la justice de paix. Ils ont la même chose avec une coupure d'eau, enfin, ou un limiteur de débit. Il n'y a plus de transactions, etc. Et donc, il y a des amendes, etc. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une petite partie de la population extrêmement affaiblie qui se voit soumise à une série d'amendes ou intérêts, hein, suivant le type d'opérateur, etc., qui se cumulent, sans avoir aucune opportunité de pouvoir se défendre ou d'être défendu par quelqu'un pour expliquer la situation initiale dans laquelle ils sont. Et donc, ils continuent à être dans le jus. Donc, notre question, elle porte sur ça. Elle porte sur dire, ben, momentanément, il faut faire quelque chose à ça. Par exemple, réfléchir à comment on fait. Est-ce qu'on réintroduit de la justice de paix? Est-ce qu'on évite des amendes sur des biens de première nécessité dans certaines circonstances par rapport dans certaines circonstances. Mais oui, oui. Mais en attendant qu'effectivement, le pouvoir d'achat, etc., etc. C'est des questions qu'on se pose. Parce qu'on est confronté à la réalité tout le temps. Voilà. Alors, c'est tout, ça n'a rien d'autre que ça comme question. Est-ce qu'il y a une légitimité éthique à prendre le train dans certaines circonstances et ne pas payer ? Oui. Est-ce qu'il est normal qu'il y ait un contrôleur qui impose des amendes à quelqu'un, quel qu'il soit, qui ait pris le train sans payer ? Oui, aussi. Donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer ce problème-là ? Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on milite pour que, demain, celui qui a un membre de la famille à Saint-Hubert, eh bien, il puisse obtenir un certain nombre de tickets de train gratuits. Voilà, ça c'est, me semble, l'évidence. Eh bien, pour avoir des proches qui ont travaillé en prison et où on sait que du jour au lendemain, un mec peut se faire renvoyer à Saint-Hubert et les relations familiales, et qu'est-ce qu'on en vient ? Ah ben oui, on ne prévient déjà pas le gars, il se retrouve à Saint-Hubert du jour au lendemain, véridique, bon, et ben, et aller à Saint-Hubert, et la pire des choses, c'est évidemment la dislocation des liens sociétaux que la personne incarcérée a à subir. Donc on est évidemment d'accord pour penser que tout comme voler une pomme n'est pas un vol, prendre le train ici est légitime. Et donc, il faut trouver une solution. Mais surtout, surtout, n'allons pas dans un système dans lequel il n'y aurait pas de contrôle des trains, des tickets de train. Bon, et surtout, ne supprimons pas les amendes pour ceux qui sont dans le train sans avoir payé. Et surtout, ne demandons pas à quelqu'un qui est dans le train en disant « Oh, mais t'as pas payé », mais qui sort sa carte d'allocataire social, tchic-tchac. Imaginez la stigmatisation sociale. Vous connaissez le monde de la pauvreté mieux que moi, mais je pense pas que ce soit à souhaiter non plus. Donc, il y a des solutions à court terme, mais la solution à court terme, c'est pas de rendre le train gratuit, c'est pas de supprimer les contrôles la part des contrôleurs dans le train, c'est de dire « Ou bien... » On milite pour la revalorisation sociale et en attendant, celui qui est à Saint-Hubert, il a droit à distribuer, un ticket par semaine de train à qui il a envie de distribuer. Et si c'est à la petite copine, si c'est à la grand-mère, si c'est... j'en sais rien. Et voilà. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui peut être fait, mais comme ça. Comme ça. Donc, je ne vois pas en quoi une difficulté. Ceci dit, je reviens, la gratuité du transport en commun, c'est une stupidité aussi. Dans les villes aussi. C'est mon point de vue. Il y a une enquête, il y a une expérience. Une expérience a été menée grandeur nature à Hasselt, la ville de Steve Stillart. Il a fait campagne là-dessus. Il a la gratuité. Est-ce que vous pensez un quart d'instant que ça a réduit les bouchons ? Schnoll de Brol. Rien. Ça, vous parlez ? À Hasselt, dans le Limbourg. Donc, qu'est-ce qu'on a observé ? Qu'est-ce qu'on a pu observer et comptabiliser, hein ? Les voitures inchangées. Donc, impact environnemental, rien. Pas une amélioration de l'environnement à cause de ça. Qu'est-ce qu'on a vu ? C'est que des gens qui ne prenaient pas le bus le prennent. Des gens qui ne prenaient pas le bus. Il y a du plus et il y a du moins. Qu'est-ce qui se passe ? On a des gens qui, parce qu'il y avait le bus gratuit, maintenant sortaient de chez eux alors qu'ils ne sortaient pas. Ça, c'est très sympa. À côté de ça, il y a des gens qui marchaient pour un arrêt ou deux arrêts. Bon, je ne vais pas m'emmerder à marcher deux arrêts, le bus est gratuit, donc je prends le bus. Hein. Et puis, plutôt que d'optimiser, il y a des gens qui calculaient leur trajet. Donc, des gens qui, même en ayant un revenu élevé, ne prenaient pas le bus. Il y a des gens qui n'aiment pas dépenser. Moi, j'ai une phobie de payer mes parkings, par exemple. Il y a des gens qui ont chacun sa phobie ou quoi. Hein. Payer son essence ne me dérange pas, mais payer mon parking, ça me dérange. Mais c'est con, hein. Mais c'est dans la tête. Voilà. Et donc, il y a des gens qui disent, ah non, il faut payer le bus, alors je ne prends pas le bus. Mais ils auraient les moyens. Hein. Donc, et qu'est-ce qu'on voit ? Ben, que ça coûte bonbon à la ville de payer. Pour un faible nombre de personnes qui sont ceux qu'on veut vraiment, ceux qui, parce que c'était payant, ne sortaient pas, et qui maintenant, parce que c'est gratuit, sortent et qui sont dans les conditions de revenus qu'on veut aider. Donc, pour aider un petit nombre de gens, on rend gratuit pour tout le monde, sans incidence favorable sur l'environnement. Avec cet argent, on aurait vachement pu mieux cibler ce que ça coûte en donnant cet argent à ceux qui en ont réellement besoin, plutôt qu'à permettre à monsieur et madame tout le monde de voyager gratuitement. On va stopper parce que c'est un autre, c'est une autre question et vaste en même temps. Hein. Bon, c'est qui doit poser la prochaine question ? Audrey ? Allez, c'est parti. Il reste une demi-heure. On nous dit que les Belges ont plein d'épargne sur des comptes, mais on nous dit aussi que presque 40% des Wallons n'en ont presque pas, ou pas du tout. Nous, on sait ce que c'est de vivre dans le stress parce qu'on n'a pas d'épargne du tout. Comment expliquez-vous que même des personnes qui travaillent ne savent plus du tout épargner ? Donc oui, il y a beaucoup d'argent sur les livrets d'épargne, et plus largement, on dit que les Belges sont riches, mais quand on dit ça, on ne dit pas tous les Belges sont riches, malheureusement. Et donc, on sait bien qu'il y a une très grande différence dans le revenu des gens, et plus encore dans le patrimoine des gens. Donc oui, il y a aujourd'hui beaucoup d'argent en Belgique, et en même temps, beaucoup de gens qui sont pauvres. Hein, on dit qu'effectivement, à Bruxelles, 40% des enfants grandissent dans une famille qui est confrontée à la pauvreté. On a cette enquête qui nous dit, l'enquête SIL, qui nous dit que 20% des ménages belges ont des difficultés à nouer les deux bouts. Donc, la réponse est relativement simple. C'est le niveau des pouvoirs, des salaires et des allocations sociales par rapport au coût de la vie qui fait qu'il y a des gens qui sont dans cette situation de pauvreté. Alors, qu'est-ce à dire ? Ben, est-ce que c'est parce que les salaires ont peut augmenter? Oui. Est-ce que c'est parce qu'il y a des problèmes de chômage? Oui. Est-ce que c'est parce qu'il y a des problèmes d'inaptitude au travail? Oui aussi. Est-ce que c'est parce qu'on est dans des sociétés consuméristes? Oui aussi. Et donc, je pense qu'il y a une palette d'explications à ce que l'on observe dans ce ressenti aujourd'hui de la pauvreté. Donc, il y a des facteurs plus objectifs, des facteurs plus subjectifs. Je ne vais pas aller dans le drôle de jeu qui serait de dire ceux qui sont bien, ceux qui ne sont pas bien. Hein, je dis, il y a celui qui achète des choses qu'il ne devrait pas, mais simplement la publicité fait ou le conditionnement social fait qu'il les achète. Et s'il ne les achète pas, il se sent pauvre. Et s'il les achète, il se met dans une situation d'endettement qui l'empêchera de faire d'autres choses, avec des effets cumulatifs s'il y a des amendes qui viennent se coller sur ces retards de paiement. Et donc, on a ce type de situation. Comment en sortir ? Promouvoir le travail, promouvoir des rémunérations plus élevées, promouvoir une revalorisation des allocations sociales, promouvoir une éducation différente, moins consumériste. Voilà, j'aime bien citer aussi bien des aspects plus économiques que des aspects plus socioculturels. Je crois que c'est extrêmement important, vous connaissez ça mille fois mieux que moi, d'aborder la pauvreté sous des angles multiples. Et il ne faut pas tout attendre de l'État, il ne faut pas tout attendre d'une revalorisation des allocations sociales. Les pauvres, entre guillemets, méritent nettement mieux que cela. Et je pense qu'il faut, mettre fort l'accent sur cette dimension consumériste. Ça, je pense que c'est important aussi. Je crois que... Mais il y a aussi des évolutions. Hein. J'ai évoqué tout à l'heure l'évolution du tissu familial. Peut-être que je vais vous paraître comme un vieux conservateur, mais c'est sûr que l'évolution des structures familiales a contribué à l'exacerbation de la pauvreté et qu'il y aurait moins de pauvres s'il y avait moins de divorces. Alors, est-ce que c'est bien divorcé, pas bien divorcé? Mais factuellement, je pense qu'on peut dire qu'il y aurait moins de pauvres s'il y avait moins de divorces. Est-ce qu'il faut interdire le divorce pour autant? Non, évidemment. Hein. Mais donc, l'évolution... un élément fondamental dans l'évolution de notre pauvreté, c'est la diminution du nombre de personnes par unité familiale. Vivre seul coûte cher, coûte plus cher que de vivre à deux. Vous avez besoin d'une petite salle de bain, que vous soyez seul ou à deux, quoi. Et donc, il y a les faire des courses coûte plus cher en achetant en petite quantité qu'en grande quantité. Et vous pouvez multiplier les exemples. Ok. Quelque chose à rajouter sur une remarque? Donc, par rapport au logement et tout, vous prenez les habitats kangourous and co. Donc justement, j'en reviens encore au fameux statut cohabitant. Alors, sur le statut cohabitant, puisque l'occasion en est donnée, alors, il y a un beau débat philosophique, ce n'est pas la question de l'économie, c'est la philosophie. Quelles sont les deux idées? L'idée, c'est de dire, d'une part, je ne veux pas que l'État se mêle de ma situation familiale personnelle. Je ne veux pas que l'État soit intrusif. Que je sois marié, pas marié, avec quelqu'un, une partie de la semaine, toute la semaine. L'État n'a pas à se mêler de ça, c'est ma vie privée. Hein? Première dimension, c'est la dimension, on ne veut pas de contrôle brosse à dents, comme on disait dans la législation du chômage. Hein? Donc, pas de contrôle brosse à dents, vie respect de la vie privée. Première partie. Deuxième partie. On sait bien que vivre isolé, ça coûte plus que de vivre avec quelqu'un. Donc, si vous voulez, et que vous avez une certaine masse d'argent, plutôt que de la donner sans savoir à qui vous la donnez, il vaut mieux la donner à ceux qui en ont le plus besoin. Et qui en a le plus besoin, ben, c'est le vrai isolé par rapport au non-isolé. Bon. Mais en même temps, on sait bien qu'on est dans une société, si on mobilise de l'argent des impôts pour faire des allocations sociales en disant, ben voilà, les isolés auront plus, ben il faut un minimum de contrôle, parce que sinon, ça va être abusé, donc la prestation sociale va perdre en légitimité. Il va y avoir plein de gens pour dire, ben non, regardez, c'est plein de tricheurs, moi je ne veux plus payer des impôts, puisqu'on triche. Donc, qui dit cibler les personnes effectivement seules, suppose de contrôler si on est effectivement seul. Et donc, voilà, ça, ce sont les deux termes du débat. Ou bien vous mettez en avant le droit à la vie privée, ou bien vous mettez en avant la nécessité d'allouer optimalement les moyens rares dont vous disposez et de privilégier ceux qui en ont le plus besoin, mais le prix à payer, c'est une perte de vie privée. Et je peux entendre les deux arguments. Longtemps, j'ai été très fort en faveur de la deuxième thèse, c'est-à-dire aidons ceux qui en ont le plus besoin, quitte à en payer le prix sous forme de perte de vie privée, enfin de contrôle de votre vie privée. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui doit dormir dans votre chambre à coucher, on se comprend. Mais enfin, c'est un contrôle brosse à dents, c'est intrusif, et donc l'image est... Mais voilà, dans ma philosophie à moi, mais c'est pas l'économiste qui parle, dans ma philosophie à moi, j'ai envie de penser que la personne à laquelle il faut prêter le plus d'attention, c'est celui qui est le plus faible. Et si le prix à payer, c'est un contrôle de son état de solitude et de célibat, eh bien, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, veux-je dire. Et dans ce cas, j'ai la faiblesse de penser. Mais j'ai des bons copains qui me disent non, Étienne, c'est juste pas possible. Et d'ailleurs, ils ont de plus en plus raison. Pourquoi est-ce qu'ils ont de plus en plus raison? Parce qu'il y a de plus en plus de situations qui ne sont pas très clairement définies. Parce qu'il y avait dans le temps, hein, on concubinait, mais on était ensemble du lundi au dimanche, quoi, hein. Donc, on n'était pas mariés, mais on vivait quand même ensemble. Oui, mais aujourd'hui, il y a des formes d'habitat qui sont tellement polymorphes, enfin tellement diversifiées, que ça va être très difficile. Oui, mais si je dors 3 jours par semaine dans le même lit, est-ce que je suis considéré comme avec ou comme je ne suis pas avec? C'est 3 nuits et demie. Oui, mais 3 nuits et demie par semaine, ce n'est pas évident, hein, calculer une demi-nuit. Donc, voilà, la société va dans le sens de privilégier l'individualisation absolue des droits et donc de laisser tomber ces notions de cohabitants et dire chacun est traité comme un individu. Mais quelque part, sachons bien que aller dans ce sens-là va nuire, et j'aime utiliser un terme fort, va nuire au véritable isolé. Hein. Sachons-le, hein. Le véritable isolé va être pénalisé par ce choix collectif que nous ferons de ne pas se mêler de savoir si on est vrai isolé ou pas vrai isolé. Question suivante, il en reste quoi? Le coût de ce que ça coûterait du taux cohabitant. Mais est-ce qu'on parle aussi des retombées d'un point de vue social, d'un point de vue santé, d'un point de vue logement aussi, environnemental? Alors on parle toujours d'un coût, mais est-ce que ça ne se rapporterait pas à la société à la place de lui coûter? Vous avez raison. Aujourd'hui, on peut avoir un système dans lequel les gens, entre guillemets, trichent et se déclarent cohabitants. Et pour être sûr d'être cohabitants, ils vont prendre 2 adresses, même s'ils dorment dans le même lit. Oui, mais ce faisant, comme ils ont 2 adresses, ils occupent 2 logements. Même s'ils ne dorment dans le même lit, ils sont à 2 dans le même lit à gauche, mais il y a le lit de droite qui reste vide. C'est trop bête d'avoir un lit qui reste vide alors qu'il y a des gens qui sont à la rue. Donc, on a envie de dire, et c'est un élément supplémentaire pour aller dans le sens, ok, laissons tomber cette notion de cohabitant, et tant mieux si alors les gens vont plus prendre une fausse adresse, occuper un logement de manière fictive, mais qui serait un logement qui n'est plus disponible pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc c'est un élément de plus à mettre, en soutien à l'abolition de cette notion de cohabitation. Il reste combien de questions, là? 3 ou 2? Et moi, il reste 10 minutes. On choisit, on fait comment? Non, allez, les impôts sont plus élevés en fonction des revenus, mais nous, on trouve qu'ils ne sont pas assez pour les grosses fortunes et pour les sociétés. C'est quoi exactement votre avis là-dessus? Et bon, quels sont les autres moyens de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, puisque l'État n'a plus d'argent? Là, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je trouve que certainement sur la partie de l'impôt des sociétés, il y a à envisager une inversion de la tendance observée ces derniers temps en Belgique comme ailleurs, qui est à la diminution de l'impôt des sociétés. Donc, c'est une évolution qui est à l'œuvre un peu partout, un abaissement de l'impôt des sociétés. On se dirige en Belgique, la décision a été prise par ce gouvernement-ci, vers un taux de 25% et même de 20% pour les PME, enfin la première tranche de 100 000 euros. On vient d'un temps où l'impôt des sociétés était à 45%. Donc il y a une diminution très sensible de l'impôt des sociétés. On est passé de 45 à 39, de 39 à 33, augmenté et puis maintenant on va vers 25. C'est une évolution qui est vendue à la population comme étant nécessaire pour stimuler l'esprit d'entreprise. C'est de la foutaise intégrale. au XXe siècle aux États-Unis, l'impôt des sociétés était élevé et ça n'a pas empêché les États-Unis de connaître une belle croissance et d'avoir plein d'innovateurs. Et jamais je n'aurais pensé que Bill Gates va se dire « Oui, je vais créer Microsoft, là ça va super bien marcher, mais comme je vais être taxé à 40%, non, je préfère rester planqué. » Donc non, certainement pas. Donc je vous rejoins, il y a de l'enfumage. Pourquoi est-ce qu'en pratique on le fait? On diminue l'impôt des sociétés en Belgique, parce que sinon les entreprises, ah oui, si vous ne me le baissez pas, je vais en France, et si je ne vais pas en France, je vais en Allemagne. Donc ça, c'est un débat. Et je ne comprends pas pourquoi les syndicats n'ont pas davantage insisté là-dessus pour militer pour la définition d'une base commune et d'un impôt commun au niveau européen. C'est une erreur historique. D'autres partis, d'autres segments ont commis des erreurs historiques. Pourquoi le CDH n'a pas embrassé la cause environnementale? C'est une autre erreur historique. Pourquoi est-ce que... Voilà, mais pourquoi les syndicats ont fermé les yeux sur cette concurrence fiscale qui était écrite quand on a fait l'Europe, on savait qu'on demandait l'unanimité pour fixer les règles et que c'était dès lors ouvrir la porte à la concurrence. Donc, je vous rejoins sur l'impôt des sociétés, mais en même temps, je crois qu'il faut d'abord et en tout militer au niveau européen pour la chose. Deuxième dimension, sur l'impôt des personnes physiques, ce qui est caractéristique de l'économie belge, c'est en fait que très vite on paye beaucoup d'impôts. Ce n'est pas ce qui nous distingue de nos pays avoisinants, c'est que on est avec un taux marginal de taxation de 50% dès qu'on gagne quelque chose comme environ 40 000 euros. Alors, vous allez dire, c'est pas le sujet dont on parle ici, en termes de pauvreté. Mais donc, ce qui est frappant en Belgique, c'est qu'on paye vite beaucoup d'impôts. Alors, il y a à penser que les gens à très très haut revenu pourraient payer davantage, mais il faut voir que la classe moyenne en Belgique paye déjà relativement beaucoup d'impôts, beaucoup plus qu'en France, plus qu'en Allemagne, etc. Donc, penser qu'on va pouvoir capter beaucoup plus d'argent en augmentant l'impôt, c'est pas évident, parce que là où on va pouvoir gagner, c'est sur les très riches. Mais d'une certaine manière, si on devait considérer que la moyenne européenne est un bon indicateur, je ne dis pas que c'est ça, mais si on devait considérer que c'est un bon indicateur, il faut se rendre compte que notre classe moyenne qui souffre, et on l'entend, tout de même, même si on a un boulot et qu'on gagne ses 3 000 euros par mois, on va considérer que ce n'est pas évident. Ça peut paraître à certains dans la salle ici, ce serait super d'avoir 3 000, mais il y a des gens avec 3 000 euros qui, sincèrement, vont dire qu'ils ont des difficultés à nouer les deux bouts, et je ne vais pas dire que c'est faux si c'est leur ressenti. Et bien donc, ces personnes-là vont dire, bah oui, mais moi je suis en attente d'une baisse de mes impôts. Donc, il y a du potentiel du côté des impôts, mais voyons qu'en Belgique, nous sommes déjà un des pays les plus taxés au monde. Alors, on peut aller plus haut, mais ça me paraît plus évident dans un pays comme les États-Unis, où on paye en moyenne beaucoup moins d'impôts, que dans un pays comme la Belgique, où on en paye beaucoup. Donc, dire qu'il y a beaucoup d'argent à aller chercher en relevant les recettes globales de l'impôt, je n'y crois pas. Je pense qu'il y a moyen de mieux taxer, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse collecter beaucoup, beaucoup plus d'argent au travers de l'impôt. De faire rentrer de l'argent dans l'État aussi. Alors, en fait, je pense que ce qui est tout à fait fondamental, c'est d'obtenir une plus grande efficacité de nos pouvoirs publics. Je ne veux pas tomber dans la caricature du fonctionnaire payé pour ne rien faire. Mon épouse étant elle-même fonctionnaire, je sais, j'ai une petite vue de terrain, très, très, très anecdotique, d'une personne, de ce que ça peut être. Donc, je ne veux certainement pas alimenter un propos à la courte ligne en disant « les fonctionnaires, c'est des gens qui n'en foutent pas une », mais je suis convaincu qu'il y a de l'efficacité à gagner dans l'organisation de nos pouvoirs publics, que ce soit le transport en commun, que ce soit les écoles, que ce soit l'administration. Il y a à mieux organiser notre vie en société. Le gaspillage en matière de santé est connu. Nous savons qu'il y a multitude d'examens médicaux qui sont payés par la collectivité pour une utilité relativement faible, par exemple. C'est la dernière question. Oui. Donc, que faites-vous des personnes qui ne savent plus consommer plus, qui consomment de moins en moins? Pensez-vous qu'elles vont se comporter rationnellement, qu'ils ne vont pas pencher dans la violence? Les prix des biens les moins nécessaires baissent, mais ceux des biens les plus nécessaires montent. Donc, les besoins vitaux deviennent de plus en plus durs à couvrir. N'avez-vous pas peur que les gens finissent par exploser? Alors, je vais reprendre la partie du milieu de votre interpellation. Vous avez raison. Donc, ce qui est bizarroïde dans notre société, c'est que le prix des voitures et des téléphones et des ordinateurs a plutôt tendance à ne pas trop augmenter, tandis que le prix des produits de première nécessité a tendance à augmenter plus vite. Là, je vous l'ai dit, ma réponse est calculons l'indexation autrement, de telle sorte que le pouvoir d'achat. Donc, il y a une réponse. Mais si nous n'y répondons pas, nous allons assister à une vraie paupérisation de ceux qui sont déjà pauvres, et que, et j'en reviens alors au début et à la fin de votre question, qu'il y a un risque de violence. On le sait, l'économie de marché, l'économie capitaliste, nous n'ayons pas peur du terme, que l'économie capitaliste, elle a un ennemi. C'est le capitaliste lui-même, qui, par myopie, est incapable de réaliser qu'il pousse les gens à la révolte contre le système. Et donc, moi, je ne suis pas pour prêcher la révolution, je suis plutôt un homme tempéré. Donc, ce que j'ose espérer, c'est que nous allons avoir un système capitaliste dans lequel les capitalistes auront la tempérance de leurs profits et auront l'humanité nécessaire pour aller vers des politiques qui font que les gens en bas de l'échelle seront moins maltraités et donc ne deviendront pas des ennemis de l'économie de marché. Ce qu'ils risquent de devenir si nous ne faisons rien. Est-ce que la consommation des pauvres a de l'importance pour l'économie ou est-ce que vous pensez qu'elle n'a pas d'importance? Donc les pauvres ne comptent pas? Alors, ça dépend comment vous allez définir les pauvres. Je vais être très très cru ici. Si vous définissez les pauvres comme par exemple les 20% des Belges qui ont du mal à nouer les deux bouts, oh ben oui, ça fait quand même un fameux paquet de Belges et donc ça fait un fameux paquet d'acheteurs chez Aldi et compagnie et ça fait donc un fameux impact sur la consommation. Si vous définissez les pauvres de manière plus restrictive, vraisemblablement, plus vous allez restreindre, moins l'impact macroéconomique des pauvres. Mais je pense que, et ce serait peut-être une belle manière de conclure, il ne faudrait quand même pas être à ce point, obsédé ou aliéné, ce sera le meilleur terme, aliéné par le système capitaliste pour penser que la seule utilité des pauvres, c'est d'être des consommateurs. Je pense que s'il y a lieu à se préoccuper de la pauvreté, ce n'est pas d'abord parce que ce serait un gisement de consommateurs que nous n'exploiterions pas. C'est vrai, hein, on devient riche en ayant des clients riches. Je veux dire, on fait de meilleures affaires Avenue Louise qu'à Plomco, quoi. On a intérêt à ce que la population soit plus riche, on devient tous plus riches. Donc, la ville de Namur aurait intérêt à ce que les Namurois pauvres soient moins pauvres et ça bénéficierait. Mais je permettais, si je peux même dire, donc ce serait une manière de dire, mais je ne veux pas en arriver là parce que ce serait la victoire de la pensée économique et je pense que s'il faut lutter contre la pauvreté, c'est pas parce que pour transformer les pauvres en consommateurs, il faut lutter contre la pauvreté pour les raisons qui vous animent et qui sont d'abord des raisons humaines et non pas des raisons économiques. Vous avez envie de terminer celle-là, c'est ça? Vous avez envie de faire une conclusion? Vous avez envie de dire quelque chose sur tout, comment ça s'est passé et tout? Parce que vous avez eu un petit... Hein... Oui, qu'est-ce que vous avez envie d'en parler ou pas du tout? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gens, enfin, on va entendre ça que vous êtes. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je pense que chaque terme doit être pesé et que j'ai bien conscience de l'ouverture d'esprit qui est la vôtre en invitant quelqu'un comme moi qui est un économiste travaillant dans un secteur pas sympathique et qui a donné tous les bâtons qu'il fallait pour se faire pour être. Tout le mérite d'être là, enfin. Oui, mais ça, je n'ai pas de. C'est un plaisir et donc d'abord merci. Donc, mais en même temps, j'imagine qu'il y a un certain nombre de perceptions qui peuvent être liées à qui je représente, d'être perçu comme un agent du système plus que comme un agent de changement du système. Donc je peux comprendre cela, mais je crois que sur la base de ce que j'ai dit ici, on a mille raisons de converger plutôt que de se séparer. Mais de nouveau, parce que je ne suis pas un adepte de la confrontation, je suis un adepte de... un moment, quand j'ai perçu... qu'on retombait sur ce qui pour moi était un cliché en disant mais vous c'est vous et nous c'est nous et vous pensez comme ça et nous on pense autrement, pour moi c'est d'abord une tristesse, c'est pour ça que ça m'a énervé, mais c'est parce que c'est une tristesse, je pense qu'on est ensemble et qu'il n'y a pas, on n'est pas opposé, et donc de s'entendre dire qu'on a des idéologies différentes, qu'on une honnêteté intellectuelle défaillante, ce que j'ai cru percevoir, mais peut-être je mal compris, ça m'a un petit peu énervé. Mais je partirai d'ici content, reconnaissant pour l'ouverture d'esprit que vous avez témoigné, plein de gratitude pour l'occasion que j'ai eu de m'exprimer, aussi tout à fait conscient du fait que j'ai beaucoup parlé alors qu'il n'y a pas de raison que je parle plus que chacun d'entre vous. Donc voilà, je suis bien conscient de tout cela et je vous invite à poursuivre. Je vais me permettre, puisque je vous l'ai dit en entrée de jeu, il se fait qu'on a des débats à la maison au travers de notre fille qui est active chez ATD Quart-Monde. Ce qui est important, c'est une forme de radicalité, mais garder cette radicalité, mais ce que je vous souhaite, c'est que ce soit une radicalité joyeuse. Je veux dire par là, il y a une association ici à Namur qui s'appelle LST, hein, Lutte Solidarité Travail. Je ne la connais pas plus que ça, mais je connais des gens qui en ont été proches. Je n'ai pas peur du mot lutte, mais le mot lutte, c'est un mot de confrontation. C'est pas nécessairement un mot de joie. Et je pense que ce dont on a besoin, c'est de la joie intérieure. Et ce que je vous souhaite, c'est de faire le combat, de ne pas accepter, de ne pas se résigner devant une société que vous n'aimez pas, mais en même temps, tout en gardant cette ardeur au changement, de garder la joie de la mobilisation plutôt que d'être dans le... On peut être en lutte et très content. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire ? On coupe là parce qu'il y a peut-être une réaction dans le public. C'est vrai, comme vous venez de dire... Non, on coupe ? Oui, il faut couper, parce que je dois m'en aller. Ok, bah merci alors à vous. Merci à vous. Merci. Le micro est toujours allumé, tu auras envie de dire quoi ? Parce qu'on est vrai que tu auras envie de dire quoi ? C'est assez frustrant parce qu'il y a pas mal de questions qui viennent au fil de la discussion. Et j'aurais voulu rentrer plus sur une valeur philosophique de l'économie. Parce qu'on a l'impression que tout est centré sur l'économie dans ce monde. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une erreur ? Est-ce qu'on ne devrait pas centrer tout sur l'humain, mettre l'économie au service de l'humain et pas le contraire ? C'est une question que j'aurais bien voulu poser, mais bon. Normalement, voilà, il y avait un espace prévu et bon, il doit partir, hein, tu vois. Bon, c'est trop tard parce que je ne suis pas d'accord avec lui. Tu peux toujours les dire, hein, elles vont être entendues et on verra plus tard. Trois choses. Il y a d'abord le problème d'éducation. Il a dit qu'il vaut mieux... On va se mettre là parce qu'on oui. Entend un peu moins le bruit. Il a dit qu'il vaut mieux apprendre à son gosse rouler au vélo plutôt que d'aller à la piscine. Moi, j'étais choqué par une fois, quand j'étais gamin au lycée, on est allé faire une excursion dans un barrage. Il y a un gamin qui était avec nous, il ne voulait pas montrer aux autres qu'il ne savait pas nager, il est allé plus loin. Il est descendu, il ne savait plus remonter. Il est mort. Ah bon ? Ben oui. Alors, depuis ce moment, la première chose que j'apprends à mes enfants, c'est d'abord savoir nager parce que ça peut arriver. D'ailleurs, il y a une blague hein, qui dit à quelqu'un qui faisait un taxi avec sa barque et transportait les gens. Il y avait une tempête. Et alors, le type, il était dans sa barque, il lisait le journal. Il dit au type, vous savez lire ? Il lui a dit non. Il a dit, mais vous avez perdu la moitié de votre vie. Et quand la tempête est arrivée, il y a une grosse vague. Il a dit au type, il a dit, vous savez nager, monsieur ? Non, vous avez perdu toute votre vie. Bon, c'est un exemple. Et alors, autre chose aussi sur la pension. Sur les pensions, il a dit que les pensionnés avant, ils étaient plus. Ils vivaient mieux, enfin, ils vivaient moins bien que maintenant. Mais avant, les pensionnés, il y avait un esprit de famille. Ils étaient aidés par les. Mais maintenant, un pensionné, celui qui n'a pas une carrière. C'est galère, hein ? À la galère ? Ah, bah oui, ça. Ah oui, mais lui, les pensionnés, maintenant, ils vivent mieux. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de pensionnés qui... Oui, oui, il y a même un mouvement des gangs des vieux en colère. Tu connais le gang des vieux en colère ? Il va partir avec ses idées en tête, mais moi, je voulais le mettre, je voulais le changer ça. Et alors, troisième intervention, c'est à l'école. Il a dit que lui, il est pour les études universitaires payantes. Moi, je connais un gamin. Ses parents, ils n'ont pas su lui payer son Minerval. Il n'a pas eu même les résultats de ses examens parce qu'on lui a dit, vous n'aurez pas les résultats tant que vous n'avez pas payé votre Minerval. Il n'avait pas droit aux bourses parce que ses parents, l'année avant, ils travaillaient. Mais l'année suivante, ils ne travaillaient plus. Donc le revenu a chuté. Le gamin, il a dû quitter les études. Voilà. Donc il y a trois choses. Il va partir avec ses idées dans sa tête. J'aurais souhaité lui dire. Hein. Ah ben on espère qu'il va entendre hein, s'il réécoute le... Tu vois, ça... Bon. Ben voilà, je trouvais ça très intéressant en tout cas d'entendre l'avis d'un économiste qui a accepté effectivement peut-être effectivement courageusement, je ne sais pas si c'est le thème qu'il faut dire, mais enfin, le réseau, c'est pas neutre de venir pour un économiste échanger sur des propos comme ceux-là. Donc moi, je trouve ça très intéressant de... Un économiste libéral, avec tout son bagage à lui, hein, parce qu'il pourrait avoir un économiste beaucoup plus en phase avec le réseau wallon. Tout à fait. Enfin, bon, c'est vrai que quand il a expliqué son parcours professionnel, là où il a travaillé, effectivement, c'est pas ce qu'on peut qualifier d'une personne qui a un outil de connaissance en termes d'économie au profit d'une société progressiste. Quoique, bon, voilà. Voilà, on a écouté ses réponses avec intérêt. Je crois qu'on va retravailler tous entre nous aussi avec tout autant d'intérêt. Voilà. Merci. Hors micro ? Mais oui et non. Je coupe quoi ? Christine a abordé la question des allocations familiales en disant qu'à partir de 2020 seulement, elles seraient alignées au niveau du revenu des personnes et non plus en termes de statut. Alors j'ai vite vérifié sur Internet parce que c'est compliqué. Il y a des choses qui changent, qui ne changent pas. À partir de 2019... C'est depuis janvier, là. Oui, donc depuis janvier 2019, en fait, je vais essayer de retrouver le texte exact, comme ça je ne me trompe pas. Voilà, en région wallonne, depuis 2019 maintenant, on a les allocations familiales en Wallonie. Hein. Et certains changements sont déjà intervenus, il y a 4 nouveautés, il y a notamment celle que les allocations familiales ne sont plus liées à la situation professionnelle des parents, et donc les suppléments sont octroyés maintenant en fonction des revenus. Voilà, donc ça c'est déjà quelque chose qui est appliqué en 2019. Par contre, les modifications au niveau du montant de base et puis des compléments, etc., ça ce sera l'application en 2020. Mais il y a déjà des choses qui changent. Par exemple aussi, un enfant qui est reconnu orphelin précédemment, orphelin du papa par exemple, si la maman décidait de se remettre en ménage, l'enfant et la maman perdaient la reconnaissance allocation familiale d'orphelin, et donc c'était aussi un frein pour certains à se remettre en ménage, surtout que la personne qui va rentrer dans le ménage pour une relation avec la maman n'a aucune raison bien souvent de prendre en compte un soutien financier par rapport à l'enfant ou même par rapport à l'organisation de la famille, etc., etc. Et donc on a effectivement plaidé avec ça, avec d'autres associations, et ça c'est abandonné. Autrement dit, les parents avec un enfant orphelin qui déciderait maintenant de se remettre en ménage dès 2019, je lis bien, hein, si un des deux parents en 2019, je relis, si votre enfant, c'est pas ce que je viens de dire, voilà, ça c'est pas bon. Parce que c'est si votre enfant perd un de ses deux parents en 2019, donc si le décès a lieu en 2019, ça veut dire que ce dernier perçoit l'allocation d'orphelin et continue à la percevoir indépendamment de la remise en ménage ou du remariage du parent qui est encore en vie. Mais pour ça, il faut que le parent, malheureusement, moi, je suis père avec du parent qui décède en 2019. Mais ça, on peut couper. Mais par contre, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de dire, on a dit que les revenus... Or, c'est déjà maintenant. Il y a déjà maintenant un suivi au niveau du revenu de la famille plutôt que du statut. Ça, c'est quand il faut se renseigner pour aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau des allocations familiales. C'est ça ? Oui, ça c'est un bon réflexe.